Voilà, donc c'est Darty mon kiki, hein, vous l'avez tous et tout entendu. Le numéro 77 du podcast du collectionneur. C'est parti, c'est maintenant, avec un thème qui va être assez rigolo. Hein, On commence en fanfare. Ouais, un thème très sympa. Et bah, ouais. Justement, on parlait de pub, donc c'est pour ça le le lancement est parfait. Ah mais on parlait pas de politique dans les jeux vidéo ? Non, nous ne sommes pas J. Mélenchon Gaming. Oui, elle est nulle. Et donc, quoi, ce soir, on va essayer de parler de ces jeux qui sont des supports publicitaires ou qui sont des jeux, je ne sais pas trop. On va voir. On va parler aussi un petit peu de la publicité dans les jeux et tout ce genre de choses. Essayer de se rappeler et puis en même temps essayer peut-être de vous faire découvrir de nouvelles choses. Si vous avez dans le chat, comme d'habitude, des choses à partager, des idées, si vous voulez dire qu'on a raison ou qu'on a tort, dites-le. Et voilà, donc on part pour un petit voyage au travers du jeu vidéo en tant que support publicitaire. Voyage, mais sans désir LS. Et à la fin du podcast. Ouh là là là, ça commence bien. Ça commence bien. Je suis fatigué. Je l'entends, ouais. Normalement, à la fin de ce podcast, Moa va nous raconter un jeu, c'est ça ? Bah, on va essayer, hein. J'ai super peur. On va essayer. J'ai super peur. Je leur ai vendu du rêve, oui. Oui. Bah, je vais, pour les coulisses de l'émission, moi, j'ai fini le boulot il y a une demi-heure, voilà. Donc, Donc, si vous avez jamais vu quelque chose de YOLO, je pense que ça va être la fête aujourd'hui. Ouais, mais bon, après, quelque part, comment dire ? Le principe étant de passer un bon moment entre potes, de discuter un peu, et puis voilà, on est posé. Et le principe aussi est de couper son téléphone, chou, c'est très gentil ce que tu fais. Si vous m'entendez poser des questions stupides et qui rallongent artificiellement la durée de vie de l'émission pour que peut-être on arrive en retard à la fin, vous ne saurez pourquoi, voilà. Vilain. Ok, voilà. Et donc, comment allez-vous? Voilà, et on va pas partir pour les news. J'étais en train de regarder les news justement et de me dire, oh là, on a même pas purgé les anciennes news. Mais si, parce que j'avais marqué limite des nouvelles news, donc je suis content de moi. Merci. Je suis content de moi des fois. Bah, toi, ça sert. Voilà. Et en préambule, juste avant de commencer le podcast, bien d'entrer dans les news et tout ce genre de choses, juste adresser un message rapide, dire que. Je dédie, entre guillemets, ce podcast et je pense que d'autres vont m'accompagner à Santès, notre connaissance de chez KD, qu'on a connue via chez KD et via le Marathon Zelda, pour dire bon vent et on se reverra s'il y a quelque chose après. Mm. Voilà. Comme chantait Dorothée, on se reverra bientôt. Un jour, on se retrouvera, malheureusement. Ouais. En fait, c'est marrant parce que bon, des fois, bon, non, je profite deux minutes. Vas-y. D'une aparté, des fois, en fait, on fait la blague à chaque fois qu'on fait un podcast, il y a quelqu'un qui décède, mais généralement, c'est pas quelqu'un qu'on connaît, tu vois. Donc, quand c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on a vu pendant des dizaines d'heures, c'est déjà plus. L'impact n'est pas le même. Exactement, effectivement, ouais. Ouais. Sur le coup, les petites news. Avec pour commencer. Quelque chose de vachement bien. Un prototype de Earthbound déterré. Hop. Ah, carrément. Et donc, oui. Alors, oui, d'accord. Hop là, pouf. Un prototype d'Earthbound la personne qui tient ce compte, Arthur Nintendo, a négocié, il dit lui-même, pendant à peu près un an auprès d'un collectionneur pour arriver à l'avoir et donc dumper et préserver. Alors, apparemment, il y a quelques petites différences de typo à gauche et à droite, il y a un debug mode activé, tout ça. Oui. Mais ce serait le jeu quasiment tel quel, tel qu'il va sortir quelques temps plus tard. J'espère qu'il sera jouable, effectivement. Parce que... ouais. Bah oui, parce que c'est incroyable, parce que Earthbound, donc c'est Mother 2 hein, en fait, en version US. Et du coup, alors, au prix que ça coûte en version US, sachant qu'un prototype peut coûter déjà une fortune, alors un Earthbound prototype. C'est pas incantifiable, c'est comme un jeu. Je peux imaginer si c'est vendu le prix que ça va coûter. C'est comme un jeu. Ça doit être du délire, je pense, parce que c'est un des jeux les plus recherchés quand même aux États-Unis. Je pense franchement que là, on parle pas d'une vente, je pense plus. À une mise à disposition. Il a plus négocié la mise à disposition pour le dump. Voilà. Ouais. J'attends ça avec impatience, mais vraiment. Mais c'est intéressant hein, parce que le jeu est vraiment génial en plus. Hein. C'est vraiment particulier. C'est la partie de ces jeux que je dis toujours que je vais faire, mais c'est tellement barjo que quand je veux m'y mettre, en fait, je comprends très vite plus rien à ce qui se passe, malgré le fait que c'est génial et que la bande son est C'est super bien écrit. Oui, voilà. C'est voilà. Tellement bien écrit. Je rappelle que on a dû attendre pour le découvrir officiellement entre guillemets en Europe sa sortie sur la Super NES Mini ou peut-être qu'il était disponible sur la console virtuelle Wii avant. Wii U. Wii U 3DS. Parce que je l'ai sur Wii U en fait. Pareil, je l'avais acheté sur le store. Et surtout donc c'est un jeu donc sur la Wii U ils avaient également sorti la traduction de Earthbound Zero. Ça c'est enfin le Mother 1 ouais. Voilà, Mother 1. Et également, donc, il existe un troisième épisode de Mother sorti sur Game Boy Advance qui, lui, n'a même pas connu la langue anglaise. Alors, donc, les fans hurlent à la mort. Voilà. Il n'y a pas de fan trad. Il y a fan trad de Mother 3. Si. Et pour les japonisants, il est réputé pour être le meilleur de la trilogie, en plus, quoi, ce qui est dommage. Mais bon, c'est vraiment un univers génial. Mother 3. Régis Fils-Aimé n'avait pas annoncé que ça allait un jour sortir Je sais pas. En traduit, il me semble. Hein. Et il me semble parce que régulièrement, je crois qu'il y a des fans qui lui mettent dans sa tronche en disant « Mais mec, tu nous as promis. » Après, voilà, attention. Il semble qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Juste un petit warning, si vous vous mettez à Earthbound, c'est un jeu qui est très bien écrit, qui a un univers vraiment très particulier et qui fait des choses qu'on voit pas ailleurs. Par contre, Earthbound, c'est pas un jeu gentil. Non, je vous mets un lien vers le patch FR de Mother 3, si jamais. Cool. Et donc voilà, Merci monsieur. Il a un peu tendance à être. C'est un jeu qui a tendance à vous faire un peu blanc dans la tête quand vous y attendez pas. C'est pour ça, entre autres, il était vendu avec un guide aux États-Unis, parce que je pense qu'ils ont eu peur que les Américains ils soient pas bien à un moment. Ouais. Voilà. Bon, sans transition à notre. Il y a beaucoup à dire sur Mother. Earthbound, mais là je vais arrêter là-dessus parce qu'il y a d'autres choses à dire. Écoute, à la limite, moi je te propose un truc. C'est pourquoi pas un jour faire un podcast complètement sur un jeu. Ah, sur un jeu. Pourquoi pas. Moi des jeux comme Earthbound, c'est pas des jeux que je connais. Faire une émission complète, tu vois, c'est pas facile. Il y a toute la particularité justement de la palette du choix de la DA, tu sais, de tout ce qui est en plus la musique. C'est quand même une des cartouches les plus lourdes musicalement. Je crois que c'est la cartouche qui contient le plus de compositions. De toute l'histoire des jeux Super NES, il y en a énormément. Après, moi, c'est le genre de jeu que je connais pas, mais c'est le genre de jeu que j'aimerais bien en savoir un peu plus, tu vois. Mais peut-être pas forcément en y jouant. Donc, c'est pour ça que j'ai éventuellement l'idée. Après, il y a un pro tips hein, pour jouer à Earthbound 2 officiellement à SNES Mini. Hein. Oui, elle est là à côté de moi, elle est branchée, je me tâte. Je me dis éventuellement avec un guide, peut-être je le ferai en stream, j'ai bien envie. Le guide officiel est disponible en PDF sur le site Nintendo. Oui. Ok, cool, d'accord. Nickel, je veux dire, le scan il est parfait, c'est super qualité. Mais en fait, je suis même pas certain que ce soit les scans en fait. J'ai l'impression que c'est carrément les fichiers de base, enfin je sais pas. Puisque vous insistez, je vais... Ah oui, carrément, donc, tu penses que c'est level au-dessus quoi. Enfin, peut-être pas les fichiers de base, mais en tout cas, ils ont généré le truc à partir des fichiers de base. Parce que c'est trop beau. c'est pas scanné quoi. Enfin. Ouais. Et donc sur le coup, voilà, toutes les notices de SNES Mini sont disponibles sur le site Nintendo, mais dont le guide complet d'Earthbound sur NES. Bon, sur le coup, on va parler d'autre chose qui a été déterre. Je relis Régis Monterrain, qu'on connaît. Hein. Ah oui, l'ami Régis, oui. Qui a déterré un document. Alors, il ne faut pas avoir peur du tatou, hein. Ça parle un peu grave, mais pas trop. Ça parle surtout du fait que le Super NES, au départ, apparemment, pouvait être linké entre elles. Effectivement. Et apparemment, donc, via le port manette. Petit LAN de Super NES. Apparemment, via le port manette, parce que tu regardes, en fait, le layout du connecteur, tu vois en fait que c'est totalement le pin-out de la manette de la Super Nintendo. Ouais. Alors, est-ce que la première console de salon, parce qu'évidemment la Game Boy a fait, à l'avoir fait, est-ce que c'était pas la PS1 au final? Je demande si la PC Engine l'avait pas fait avant. Non? De quoi? De linker les consoles? Ouais, en console de salon. Ça me dit rien. Ça me dit rien non plus, peut-être. Là, après, Je pense que la Saturn et la PS1, je sais pas, 3DO, j'ai pas la moindre idée. La Jaguar, il me semble c'est pas. C'est la question que j'allais te poser. Ouais. La PS1, on faisait pour tout. La PS1 Doom, après la Saturn aussi, il y a Doom, puis tu as aussi d'autres jeux. La Saturn l'utilise tellement pas que de toute façon les gens s'en souviennent même pas. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Là, cette époque bénie où il fallait deux télé côte à côte, deux consoles côte à côte, deux jeux côte à côte. Ouais, mais quand tu joues à des jeux. Quand tu joues à des jeux comme des RTS, genre Command & Conquer ou des trucs comme ça, c'est un peu obligatoire. Quoi. Après, qui a envie de jouer à Command & Conquer sur PlayStation en LAN? Pas moi. Voilà. Mais bon, c'est une question que je pose comme ça au hasard. Envie de dire qui a envie de jouer à Command & Conquer à la manette, hein? Oui, pas moi non plus. Qui a envie de jouer à Conquer tout? Command & Conquer tout court? Pas moi. Moi, j'y joue. Qui a envie de jouer à Command & Conquer à la manette? C'est un trigger. Oui, bah, et tu noteras le calme olympien avec lequel je le prends. Par contre, tu refais ça une fois, je te décache ta gueule. Si j'avais su le jour-là ne pas donner d'astuce, non, je déconne. Et sur le coup, vu qu'on parle de documents inédits, je fais un petit peu de la pub à Florent Gorge et je vous mets son dernier petit chat de la fin. Ah oui, il était bien. Dernier, où il montre des documents internes de Namco qui sont jamais sortis. Et des photos qu'il a pu prendre de documents internes auxquels il a eu accès, où notamment on a des résumés de réunions, de conception et de préconception de Pac-Man. Alors si tu peux éviter de tout dire, parce que j'ai pas tout regardé encore, mais je dis rien de plus, mais voilà, c'est de cet ordre-là ce que tu vas voir. Mais c'est intéressant de les voir, plus de savoir ce que c'est. Ouais. Et voilà, c'est de cet ordre-là. C'est vraiment waouh quoi. Là, comme on en est à parler de documents. Laurent Combi qui a terminé sa numérisation des publicités Maître Sega via ses domaines transaminaires. Et justement, voilà, je vous mets le lien du site dans le chat. Voilà. Donc, on avait eu quelques infos lors du dernier podcast grâce à l'un de mes joueurs, grâce à monsieur Orif. Des bisous, coucou Orif et des bisous. Et voilà, donc maintenant, voilà. Vous avez même le site en fait. Ouais. Voilà. Il y a plein, c'est visible pas mal sur YouTube, c'est vraiment. J'ai appris qu'en fait, je le savais, vous le saviez peut-être, mais pas moi, c'était Lars von Trier qui réalisait ça. Ouais. Sérieux ? Les publicités Sega, Maître Sega. C'est Lars von Trier qui a réalisé les publicités avant. Il avait pas encore inventé son dogme alors. Hein. Ouais, non, mais c'est. On retrouve pas cette éthique de. Toute cette dialectique de réalisation. Paraîtrait-il. Bah, moi, je vois ça sur des sites un peu obscurs. Oui, c'est ça. Les pubs de sport pour Sega et Sega, c'est plus fort que toi. C'était Lars von Trier. Putain, c'est incroyable. D'accord, ok. Bah, ça se tient, il y a quand même le personnage principal qui est franchement malmené pendant tous les spots publicitaires. Ouais, c'est du Lars von Trier. Non, mais il filme pas caméra à l'épaule, donc c'est un petit Lars von Trier. Voilà, c'est ça. Bon, sur le coup, on continue tranquillement. On va revenir rapidement sur ce qui est arrivé, donc il y a un petit peu moins d'un mois maintenant. Le fameux leak de chez Nintendo, dont on n'avait pas parlé. C'est vrai, ouais. Qui apparemment a eu lieu il y a un moment, en vrai. Oui. Alors, je. Mais donc, voilà, apparemment, il y a eu un leak énorme du côté, donc, du côté de la division chinoise, c'est ça, de chez Nintendo ? Du côté de la division IQ ? C'est la division qui était en charge de la Nintendo 64, là-bas, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, donc la IQ. La IQ. Ouais. Et donc, sur le coup, on a accès maintenant à pas mal de choses. Alors, c'est pas d'une importance capitale dans le sens où on parle pas de consoles qui sont en cours de commercialisation, mais on a quand même beaucoup de nouvelles choses qu'on savait pas sur les documents de la Nintendo 64, de GameCube et de la Wii, dont du code source, du code de système opératoire, de plein de systèmes d'exploitation, c'est ça, operating, voilà, système d'exploitation. Et voilà, des démos, des docs, plein de documents que je pense qu'ils vont régaler les personnes qui aiment la technique. Ouais, déjà, pour tous ceux qui veulent faire du FPGA ou des trucs comme ça, je pense que ça va être des documents assez intéressants. Alors, on avait parlé déjà, je crois, lors d'un précédent podcast où quelqu'un avait retrouvé des documents, en fait. Le souci, comme disait moi, ça va être le retour de bâton éventuel. Ouais. Parce qu'en fait, il peut se passer un truc assez. Alors, il faut savoir. Enfin, juridiquement, ça peut, Nintendo peut faire des trucs assez tordus maintenant. Ils savent qu'il y a eu une fuite chez eux. Donc ils savent que potentiellement des gens vont pouvoir bosser sur des émulateurs, des machins, des trucs, enfin voilà, mais sur du coup leur document officiel. Donc ils vont demander un droit de regard. Donc ce qui peut se passer à partir de maintenant, c'est que tout ce qui sort, Nintendo peut dire « Ah mais ça je suis sûr que ça vient de chez nous, paf tu dégages ». Donc tous les émulateurs, tous les trucs, enfin tous les trucs qui sortent, ça peut dégager. Parce qu'il faut être honnête, on sait très bien qu'il y a une partie qui va servir à... Évidemment, ça. Évidemment. Ça, hein. Mais ce qui peut se passer, et là ça va être encore plus tordu... C'est que Nintendo pourrait aussi dire, bah du coup nos documents ils ont fuité, mais par exemple tel émulateur qui existe depuis longtemps a une mise à jour. Ah, je suis sûr qu'ils ont piqué des trucs de nos documents à nous. Pareil, l'émulateur il dégage. Donc, à voir comment Nintendo va réagir. Mais et juridiquement, problème, ils pourraient c'est... maintenant, ils ont les clés ouvertes pour faire chier tout le monde. et ça c'est problématique parce qu'on sait comment Nintendo ils sont procéduriers et comme ils sont pas très gentils à cet égard-là. Vous voyez que le négatif des choses, dans quelques mois, on va avoir des Nintendo 64 sur AliExpress. Vous n'êtes jamais content. Donc voilà. Ça va être génial. Mais c'est... Donc, du coup, je ne sais pas trop. On verra. Peut-être que Nintendo va aussi laisser couler. Hein. On n'en sait rien. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est pas comme si Nintendo n'était pas en train de se gaver gentiment. Oui, mais tu sais, ils en veulent toujours plus. N'oublie pas que maintenant, ils sont dirigés par quelqu'un qui aime l'argent. Hein. Petite parenthèse, puisqu'on a eu les chiffres aujourd'hui. Donc, Animal Crossing est premier des ventes au Japon pour la 9e semaine d'affilée. Il est désormais, rien qu'en comptant les éditions physiques, il est le 13e jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo au Japon. Ah, voilà. Oui. La suite. N'importe quoi, ça veut rien dire, mais ça veut rien dire vraiment. Pour un jeu ultra capitaliste, c'est quand même exceptionnel. Les gens ils achètent même Animal Crossing sans avoir la console. Ouais. C'est ça. 10 millions de Switch vendus, 20 millions de jeux vendus. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou alors ils l'achètent en prévision météo, comme on dit. Remarque, avec une seule par console. Ils vont peut-être aussi vendre plein de Switch. Quelle console j'avais fait ça où j'avais acheté la console sans avoir les jeux? Ah ouais, je me souviens plus, mais je l'ai déjà fait ça. Moi j'ai fait avec la GameCube. C'est pas la GameCube. D'avoir les jeux avant d'avoir la console. Ouais. Oui, j'ai fait ça une fois. Ok, bon bah apparemment on est 3 sur 5, donc c'est la majorité. C'est arrivé une fois dans mon histoire de collectionneur. Un jour j'ai trouvé deux jeux 32X et deux jeux Jaguar chez la même personne. Et j'ai attendu des années avant d'avoir une vraie 32X et une vraie Jaguar. Voilà. J'avais ces jeux-là. Attends pour une Jaguar. Bon. Oui. Voilà. Bon, sans transition. Oui. Notre petite news, Billy Mitchell. Ah. Oh putain. Ah bah, oh. Je l'avais oublié, lui, tu vois. Alors par contre, ça faisait un moment, alors du coup, j'ai pas suivi encore derrière l'affaire. Mais alors là... Oulala. L'attack Billy Mitchell se retourne contre Twin Galaxies. Mais il n'y a pas que ça. Non, attends, commençons par celle-là. Il n'y a pas que ça. Commençons par celle-là. Quelque part, ça, c'est ce qu'on appelle un amuse-gueule, tu vois. C'est ça. C'est... Parce que celle-là, elle est pas mal. Pas mal. Donc voilà, Billy Mitchell attaque Twin Galaxies. Parce que bah, si vous avez suivi le feuilleton qu'on vous a déjà narré plusieurs fois, on va pas trop revenir dessus, hein, mais. Galaxy a effacé tous les records de Billy Mitchell et en gros bah, a dit ouais non c'était un tricheur et du coup Billy Mitchell il a dit diffamation, vous êtes des méchants, du coup je vous poursuis et je vous demande je sais plus c'est quoi $1 million et il l'a vraiment dit comme ça enfin, Billy Mitchell le Donald Trump du jeu vidéo, un truc de ouf quoi, où tu lui dis un truc il te dit fake news quoi. Et mais attention parce que le truc c'est vraiment la ligne de défense de l'avocat c'est ils ont utilisé le nom de Billy Mitchell Twin Galaxies pour faire du clic, pour faire du buzz, parce que c'est la personnalité du jeu vidéo la plus représentée et représentative du monde, quoi. C'est le joueur de jeu vidéo le plus connu. C'est le meilleur des dresseurs. C'est... Voilà, c'est la ligne de défense. Putain. J'ai mis sur le dernier, il faut pas trop me faire rire. Voilà, donc voilà, c'est l'info. Mais du coup, alors attendez, elle est vachement plus loin. Je sais plus si je l'ai mise dans les news, mais il y a une suite à ça. C'est qu'il y a eu un Kickstarter ou un Ulule ou un truc, un fundraising Oui. pour payer une campagne, pour payer Les frais les d'avocat. frais d'avocat de quelqu'un, enfin pour contrer, pour attaquer Billy Mitchell en justice en fait. En fait, Billy Mitchell attaque un youtubeur, je crois, ou je sais pas, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, pour il lui réclame 1 million de dollars. Et le type, il s'est dit, bon, puisque le mec il m'attaque, moi je vais le contre-attaquer, tu vois, c'est un peu le principe de la boxe. Le mec il te met une jab, t'essaies de passer sous la jab, et puis de mettre un petit crochet au foie, tu vois, histoire de le calmer. Et en fait, le type, il a ouvert je ne sais plus si c'est un Kickstarter ou un truc comme ça, ou une cagnotte en ligne, pour payer des frais d'avocat. Et par contre, le type n'a pas récolté genre 4 ou 5 fois plus que ce qui était prévu, que ce qu'il demandait, je ne sais plus. Enfin bref, ça prouve en fait que Billy, il est vraiment plus que détesté, quoi. C'est vraiment le. C'est vraiment bon, la crevure. Il fait rien pour être aimé en même temps. Oui, mais bah, je dirais que c'est au-delà de il tout le ça. Sait. Quoi. Il le sait. Et il en joue sait, d'ailleurs. Il en joue. Ah, bien sûr. On est bien d'accord. Hein. Parce que la mauvaise pub, ça reste de la pub quand même. Oui, voilà. Voilà. La mauvaise pub, ça reste de la pub. C'est-à-dire que si Billy Mitchell était une marque de fromage, son fromage il intoxiquerait tout le monde, il dirait bah attends, hey, mon fromage il a tué des gens, mais c'est pas grave, on en parle. C'est Andy Warhol. Voilà. Parce qu'on a eu l'occasion d'en parler hier au soir, un petit coucou à Andy Warhol, à nos copains qui sont en train de se bouiller sur Twitter. Mauvaise pub, c'est de la pub. Voilà. Ah non, mais alors, la publicité est une bonne publicité. Si vous parlez du drama d'hier Twitter. Comme je disais, appel en privé, de toute façon, pour résumer, c'est des trucs qui servent à rien, c'est juste à agiter les différentes communautés et à, comment dire, à augmenter la taille de son e-pénis. Mais généralement, quand ils se regardent, ces gens, ils voient pas grand-chose en bas. Donc c'est pour ça qu'ils font du drama sur Twitter. Après, il y en a, ils ont pas besoin, ils répondent juste. Oui. Et ils envoient des scuds. Oui. Et j'ai vu que ça continue aujourd'hui, hein, ce drama à la con. Hein. Je sais pas, je vais pas regarder. Ah oui. J'avoue que je suis pas particulièrement intéressé. Ah, moi, c'est parce que je suis tombé sur des tweets tout à l'heure. Je me suis dit d'accord. En fait. J'ai rien compris depuis le début, puis ça m'intéresse pas vraiment. On va dire que je préfère jouer à Legend of Phyrexia à partir. Ah, mais Legend of Phyrexia, c'est un drama monopersonnel. Bon, on a fini avec Monsieur Billy Mitchell, on s'en reparlera. Oh. Oh, fini avec lui. Oh, on n'a jamais fini avec lui, il reviendra, t'inquiète pas. C'est alors, ça. Tu vois le rire de Shao Kahn dans Mortal Kombat? Il nous faudrait ça pour l'instant, Billy Mitchell, tu vois, c'est... Ouais, sur le coup, donc, un petit tweet que Bostik nous partage, dans lequel on voit une cassette vidéo des années 90, fin des années 80, qui nous montre des jeux Sega à l'état de bêta, dont 6 minutes de Sonic 1, version bêta, quand même. Et je trouve ça toujours aussi fabuleux qu'on arrive à retrouver ce genre de choses. Et des trucs du style, il y a du Streets of Rage avec la musique de Golden Axe, c'est ça, il me semble. C'est des choses assez improbables. Voilà, si vous avez l'occasion de jeter un petit œil là-dessus, c'est sympa, c'est... c'est authentique. Ah, mais c'est fabuleux qu'il y ait toujours autant d'archives. Moi, je me régale avec ça. De se dire qu'on n'a pas fini de découvrir encore des trucs. Bah, disons que voilà, les VHS, on sait que c'est toujours compliqué, surtout encore aujourd'hui, si elles sont encore en état, à sauvegarder, à faire en sorte qu'on puisse encore voir. Donc il y a peut-être encore des gens qui ont quelque part chez eux des bandes qui ne seraient pas démagnétisées et qui seraient exploitables. Est-ce que quelqu'un a encore la nuit cyber sur Canal+? Ah. Je sais qu'il y a la nuit de FR3 des jeux vidéo qui est sur... Sérieux? Oui, elle y est, bien sûr, elle a été uploadée. La nuit cyber, Beyond, il y a des extraits qui tournent. Hein. Parce que moi, j'aimerais... Parce qu'ils avaient fait... Non, je vais pas le dire. Si, en fait, ils avaient fait un film interactif le soir de la nuit cyber, c'était vachement bien. Je veux pas savoir venant de toi. Du moins, je... Non, c'était un film X et que les spectateurs devaient voilà. Choisir un numéro de la suite, mais ça a existé. Voilà. Bon. En plus, j'ai tapé la nuit cyber Canal+, et je tombe sur forum Abandonware. Il y en a un qui marque « Je sais que tu as enregistré la partie cybersex de l'émission ». Donc, quelque part, j'étais en train de lire ça. Et en fait, cette personne, c'est Beyond. Hein. mais sous un autre pseudo, bien évidemment. Ah, c'est possible, ouais. Alors, j'avais ça, un certain VHS, Overture. Ça, l'avoir passé à un copain et qu'il a fait ça. Bon, passons à l'instant Everdrive. L'instant MOA, c'est parti. Bon, il n'y a rien à dire, hein, parce qu'en fait, il y a l'Everdrive X5 GBA qui ressort. Parce qu'en fait, l'Everdrive GBA, il existe depuis 2 ans. Là, c'est juste qu'il le ressort, mais avec le vrai format des cartouches GBA. Parce qu'avant, c'était l'Everdrive, il avait une forme qui dépassait du port GBA. Ça dépasse. Donc, en fait, voilà, il a juste changé ça. Et maintenant... Bah maintenant c'est plus joli, c'est plus joli et plus pratique. Mais si vous avez déjà le truc, ça sert à enfin. Et surtout pour ça sert à rien de le changer, hein, c'est vraiment le même, hein, y a pas de. Quelle modique somme, Maryse? 100 dollars et les frais de port, je sais plus. Vu que c'est expédié d'Ukraine, là, si vous êtes en France, il n'y aura pas de taxes en plus. Donc Ok. Je pense avec les frais de port 100 euros, quoi, en fait. Oui, c'est dans la droite lignée de toute façon des Everdrive en termes de. De cette gamme-là, ouais. Ok. C'est parfait. Et cela dit, après un Everdrive GBA, c'est bon plan. Hein, y a pas mal de jeux sur GBA quand même. Et de très bons jeux. Ouais. Ah ouais, on l'a souvent dit hein, dans le podcast. Hein, on aime beaucoup la GBA ici. Oui. Ah moi j'aime bien la GBA. Bah, j'y joue en ce moment. Je m'abuse bien. C'est vraiment une super console. Bon, c'était l'instant Mora, maintenant on a l'instant quoi? Alors, l'instant, alors ça je l'aime. On va pouvoir terminer les news presque, parce que j'en ai une en rab après. Donc, il y a quelqu'un qui a fait la chose dont vous rêviez le plus jusqu'à maintenant. Tellement improbable. Une Sega Pico en FPGA. Pourquoi? Ah bah oui, ça c'était... Pico, caca, Pico, ouais, c'est sûr. Pourquoi avoir une idée comme ça, qui est aussi fabuleuse? La Sega Pico. Qui a eu ça déjà? Alors, moi, j'en ai vu, j'avoue, je l'ai snobé pendant des années sur la vie de grenier, pensant que c'était de la merde. Moi aussi. Je me dis, t'es con, t'aurais dû la prendre. Juste moi aussi. Voilà. Pareil. Moi, j'en ai vu en magasin. Ouais. Ah ouais? J'en ai vu en magasin. Ouais. Ouais, ils arrivent pareil. À en avoir en magasin. Même en magasin, j'en ai vu assez régulièrement. Puis à chaque fois, je dis, moi, de toute façon, je m'en bats les couilles. Dans les caches, certains caches, ils arrivent à avoir des picots. Tu sais pas comment c'est possible, mais il y en a. Il y en a qui y a des gens qui ramènent du carton de merde. Et puis, comme il y a un type, il voit le logo Sega, il se dit peut-être que. Mm. Voilà. Par contre, après, ils les vendent à des prix. Il faut avoir envie de mettre autant d'argent. En vie de grenier, j'en avais vu pas mal tourner. Enfin, pas mal. J'en avais vu quelques-unes, mais. Bon, enfin, bref. Après tout, il y a de la grosse licence Sega dessus. T'as les jeux Sony, effectivement. Désolé, je baille en même temps. T'as les jeux Sony, quoi, effectivement. T'as pas un jeu Echo? T'as pas un jeu Pokémon aussi? Il y a du Echo aussi, oui. Il y a vraiment des trucs cool. Là. Il y a des jeux de Japanime aussi. En fait, il y a pas mal de jeux pour la main, mais qui brassent assez large. Mais en vrai, t'avais pas un jeu Pokémon sorti sur Pico ou c'est moi qui rêvais? Bah, c'est Pokémon, je connais pas assez bien la console. Il existe d'ailleurs une Pico Pokémon avec la tête de Pikachu. Et vous pouvez même jouer Sailor Moon sur Pico. Et tu as trois jeux. T'as trois jeux Pokémon en fait dessus. Il y a Sailor Moon sur Pico. Oui, bah après c'est dégueulasse quoi. Bah c'est un jeu de taquin quoi, du moins le. C'est un jeu de taquin. Alors les jeux de taquin, je sais pas, il y a un autre nom pour le taquin. Non, c'est ça, c'est un taquin. C'est un jeu de taquin, ouais. C'est un jeu où tu déplaces les pièces pour refaire le puzzle. Des petites dalles pour former l'image. C'est ça. Un jeu de dalles. Est-ce qu'il y a Béatrice dedans? Désolé. Et au revoir. Je vais voir là-bas si j'y suis. Je crois que j'y suis. C'était un peu prévisible, mais je l'ai fait quand même. C'était très dangereux, mais je l'ai quand même fait. Désolé. Donc voilà, merci pour cette Sega Pico FPGA, je suis ravi. Et donc, je disais, dernière petite news avant de passer à la suite, que je me suis gardé sous le coude. Donc, il y a quelques jours, je tombe sur un machin qui m'a secoué, moi, personnellement. Parce que, voilà, il y a un jeu que j'aime bien, qui s'appelle Castlevania Symphony of the Night. Et il y a quelques jours, je tombe sur cet article. Ah, tu connais ce jeu, toi ? Je savais pas. Ah merde. Un autre disque. Et il se trouve qu'on a un ami d'origine chinoise, peu importe, qui a... Enfin, si, peu importe. Ça a été moins rigolo pour récupérer le fichier, mais passons. Donc, un ami d'origine chinoise qui a décidé de faire un hack de la version Saturn japonaise de Symphony of the Night, de manière à la faire utiliser la cartouche RAM 4 mégas pour pouvoir, sans les éliminer, diminuer au maximum les ralentissements qui rendent le jeu assez infect, il faut le dire. Il a rajouté des petites sucreries, comme par exemple le changement de personnage à la volée possible, ou encore la carte avec un raccourci. Je rappelle, la Saturn n'a pas de bouton Select. Donc pour faire la carte sur la version Saturn, il faut appuyer sur Start, puis sur le bouton L, et donc se cogner les temps de chargement à chaque fois qu'on veut voir la carte. Là, il a rajouté un raccourci avec B plus L pour voir la carte directement. Ah, je vous raconte pas comme c'est agréable. Et donc, j'ai eu l'occasion de tester ça sur ma console européenne Switcher en 60 Hz. Bah, ça fonctionne. C'est rigolo. C'est vraiment... il y a moins de ralentissement qu'avant. Il paraît que ça accélère les temps de chargement. Alors, c'est pas ouf, hein, du tout. Mais ça doit peut-être le faire. Attention, toutefois, c'est pas la version PS1 pour autant. Hein. C'est mieux, mais ça reste la version Saturn avec ses graphismes un peu dégueulasses par moment. Et donc voilà, si les gens veulent tester, vu qu'on est en petit comité, je vous mets ce lien-là sur le chat. Pof, c'est le fichier ISO. Apparemment, ça marche avec un émulateur. Ou alors, vous pouvez donc le graver, bonne vieille méthode, pour jouer sur votre Saturn d'origine et tester tout ça. Voilà, pour le plaisir de tester cette version de Symphony of the Night, on rappelle qu'il est toujours unique et inédite, avec deux zones qui ne sont dans aucune autre version, une cape qui est dans aucune autre version, des armes qui sont dans aucune autre version, et le fameux item qui permet à partir de la moitié du jeu de courir avec son personnage. Oui, courir. Courir. Nom de Dieu. Voilà ce qui rend le jeu vachement agréable sur le coup et qui évite de voir des gens jouer en faisant chut, chut, chut, en passant le balai. Ouais, c'est vrai que c'est... Bah, si tu fais attention, ça devient vite lourdingue. Hein, ça, c'est... Ah bah ouais, ouais. Mais quand t'es habitué, tu fais plus attention. Ouais, ouais, l'imitation était très bonne. Je comprends que ce soit efficace en termes de speedrun, mais le problème, c'est que je crois que à peu près toutes les personnes que j'ai regardées sur Twitch jouer à Symphony of the Night ces 10 dernières années, non j'exagère, ces 5 dernières années, à chaque fois, ils font le balai brosse. Mais même quand ils découvrent le jeu en casu, ils font le balai brosse. Bah oui, ça va plus vite. Ouais. Parce que ton perso, il est lent sinon. En fait, à partir du moment où t'as un truc, tu sais que ça fait aller ton perso plus vite, tu le fais, voilà. Oui, mais c'est lourdin comme ça. En plus, ça permet même pas de profiter des musiques, ça fait chi-chi-chi. Bah, et du coup, ça s'appelle... Comment ? Ça s'appelle une faiblesse de game design. Quand tu rends ton perso lent, que tu mets une mécanique qui permet de le rendre rapide, qui est chiante à utiliser et qui en plus pourrit les musiques, ça veut dire qu'il y a un truc que t'as mal pensé. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur son visage ? Non, je suis pas d'accord, je pense que c'est surtout une faiblesse de sound design. Ou de sound design, c'est pareil. Non, ou je dirais, peut-être pour tempérer, c'est un problème de mixage. Vilain. Non. Si, c'est un problème de mixage. Si le son, tu le mets à 30%, ça gêne pas. Et donc, mais quelque part, le fait qu'ils aient rajouté l'item pour courir à partir de la moitié du jeu sur Saturn, c'est effectivement un aveu d'échec. Bah oui. C'est-à-dire que les gens, ils voulaient. Il y a un truc aussi qu'ils ont rajouté sur la version Saturn que peu de gens savent, pareil, c'est la troisième main. C'est-à-dire que sur PS1, tu avais deux mains. Alors, c'est pas idiot à dire, mais en gros, tu t'équipais soit de deux armes, soit d'une arme à deux mains, soit d'une arme et d'un bouclier dans l'autre main. Oui. Et la version Saturn rajoute une troisième main parce que sur PS1, quand on voulait utiliser un item, il fallait remplacer ton épée par l'item, utiliser l'item et re-rentrer dans le menu et re-équiper ton épée. Sur Saturn, les items s'équipent sur une troisième main qui est accessible via un autre bouton qui permet d'utiliser à tout moment cet item-là. Et le truc, c'est qu'en gros, la manette, comme elle est mappée sur Saturn, fait que la troisième main, c'est le bouton qui manquerait, entre guillemets, pour avoir accès à la carte directement qu'ils ont mis de manière détournée. Voilà. D'accord. Voilà, mais on va pas reparler de Symphony of the Night, ça suffit maintenant. C'est toi qui as commencé, monsieur. Voilà. Ah ben on aura une émission sur Symphony of the Night aussi. Voilà. Oui, il y en a déjà une. Arrêtez. Et je rajoute un truc pour le hack, pour ceux qui se diraient « Ouais, non, mais attends, je vais pas recommencer le jeu. » Il est compatible avec les sauvegardes du jeu d'origine. Voilà. Oh, puis c'est pas comme si c'était le jeu le plus long du monde aussi. Oui. Non, mais voilà, pour ceux qui veulent voir un peu plus loin dans le jeu sans tout refaire, ma sauvegarde du jeu d'origine fonctionne parfaitement. Je vais le jeu terminer à fond et je l'ai lancé. Après, il reste peut-être des glitches et tout ça. Hein, donc, c'est... Viewer discretion is advised. C'est comme ça qu'on dit. Bref, sur le coup, amusez-vous si vous avez envie avec ça. Quelqu'un a-t-il quelque chose d'autre à rajouter? On a les 40 ans de Pac-Man. Ah, bon. On aurait pu le placer avec notre ami Florent Gorge, donc, qui en parlait. S'il a fait son podcast, c'est parce que c'était les 40 ans de Pac-Man. Ouais. Et donc... Après, alors, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui m'a troué le cul. Je dois l'avouer, j'ai vu ça ce matin. Les POG, ça revient. Oui, oui, ça faisait un certain temps que c'était... Putain, mais... J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça ce matin, je me suis dit, des POG. Ça, okay. Ça fait... c'était avant le confinement, même, ils en parlaient. Ouais, je savais pas. Ça fait un certain temps que... Mais je savais pas qu'ils les avaient ressortis là. Et quelque part, c'est la meilleure transition possible avec le sujet. Mais c'est... À la base, c'est un produit publicitaire. Ouais. Mais c'est vraiment à l'époque avec le Captain Pog et tout. Hein. C'est les trucs originaux, quoi. Oui, j'ai vu ça, oui. Oui, où t'as la mascotte qui ressemble à, comment dire, un mélange de Chewbacca et de cousin machin. Oui, hein, ouais. C'est ça. Mais en quoi c'était un produit publicitaire? Moi, j'ai pas connu les POG. Ah ah, ben, les POG à la base, alors je me souviens plus exactement le leur, mais c'était une rondelle de carton, forcément, qui était en fait distribuée par une marque de boisson hawaïenne qui s'appelait Passion Fruit Orange Guava. Donc, si tu prends les noms, en fait, la première lettre de chaque nom, ça fait POG. Ah oui, à ne pas confondre avec le groupe irlandais, The Pogs, bien évidemment. Mais la boisson n'était pas distribuée partout, elle, par contre. Non. Mais en fait, c'est bien entendu. Ça a commencé là-bas, quoi. D'accord. C'est bien entendu de là qu'est venu les mots de Pogchamp. Voilà. Il y en a, ils vont le croire. Mais en vrai, j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, putain, mais en vrai, c'est trop bien. Parce qu'en fait, moi, c'est de la merde, je n'avais pas spécialement les POG, mais ça me faisait tellement rire. J'étais trop vieux quand c'est sorti. Ouais, moi c'était encore à l'époque où je jouais encore à ces conneries. Ah bah j'étais à fond dedans, moi. Moi j'ai mangé la phase en pleine gueule. C'est années 90. Ah, moi aussi. Ouais, honnêtement, moi les années 90 j'ai mangé toutes les phases. Ouais, les Tamagotchi, mais... les POG, les yo-yo. Ouais. L'époque j'étais beaucoup trop vieux pour moi, ça. Moi je suis un peu comme Buzz Dick, les POG c'était en mode, c'était trop, moi j'étais au collège, c'était déjà trop... Ouais c'est ça, moi aussi. On en a eu dans quelques magazines, dans quelques Player One ou Console Plus, ils en faisaient Oui, il y avait ça, ouais, mais ça m'intéressait pas. Non, moi c'était le bilboquet. C'était cool. c'était le bâton avec le morceau de charbon. Le jokari. Le bâton avec le morceau de charbon. Avec Henri IV. Tu rigoles, Pelle, c'était pire que ça. C'était de silex qui frottaient ensemble. C'est lui qui a inventé le jeu. Ah, mais alors, tu sais qu'ils ont trouvé, j'ai vu ça justement, c'était un Twitter. Oh, j'ai une petite aparté là. Un jeu de société datant d'il y a 17 000 ans. Oui. Avec des dés et des jetons et tout. Écoute, si tu retrouves ça un jour, fais péter. Je vais te le retrouver. Mais t'as le temps. C'était en Norvège, je crois, ils ont trouvé ça, un truc comme ça. Waouh, mais excellent. Ah, tu l'as vu aussi, moi. Ouais, j'ai vu passer. Et bien voilà, la transition est parfaite. Alors moi, je suis désolé, je vais niquer. 17 000 ans pour tirer un zéro, hein. C'est 1700 ans. Je vais niquer un. Mais quand même. Je vais niquer la transition parce que moi, je veux juste parler d'un petit. Un petit ROM hack, parce que bien on lui a parlé d'un ROM hack. Il y a quelqu'un qui a sorti un patch de Megaman X qui en fait le fait utiliser la puce. Merde, il suffit de couper l'URL en deux et ça marche. Ouais, voilà. Je le refais. Donc qui permet au jeu d'utiliser la puce SA1 ou SA1. Grosso modo, la puce elle est 4 fois plus puissante que la Super NES elle-même en fait. Elle était greffée à des jeux très très tard sur la console, style Star Ocean, Tales of Symphonia, ce genre de truc. Fantasia, pardon. Tales of Symphonia sur Super NES, attention. Non, Symphonia. Et du coup, maintenant, vu que. vu qu'on connaît plutôt bien ces puces, on peut les utiliser pour faire d'autres trucs, et voilà, ils ont sorti le jeu qu'ils l'utilisent, et du coup, bah, ça apporte quoi? Bah, ça apporte que le jeu, il a plus un pet de ralentissement, il est, les chargements entre les niveaux sont ralentis, et il a tweaké 2-3 trucs aussi dans le code du jeu, notamment, il a désactivé, il a désactivé littéralement l'ennemi le plus puissant du jeu, à savoir, pour enclencher le dash, on pouvait appuyer sur un bouton, ou alors on pouvait faire un double tap sur les directions gauche ou droite. Ouais. Ce qui fait que quand tu te repositionnes précisément au bord d'une plateforme, bah tu fais un dash et tu tombes dans le trou, tu meurs. Voilà. Et bah du coup tu fais plus ça maintenant. Je trouve ça plutôt bien comme truc. Et aussi accessoirement, ce qu'il a fait, c'est par exemple quand vous terminez un niveau, ça génère un mot de passe. Et après, bah, vous êtes niveau de console, vous la rallumez, vous entrez le mot de passe. Bah là, ce qu'il a fait, c'est que le mot de passe généré, vu qu'il a une puce très puissante avec plein de mémoire, bah, il enregistre le mot de passe dans la puce. En gros, il a intégré un système de sauvegarde dans le jeu, quoi. Pour faire simple. Voilà. Genre les petites choses. Et il y a plusieurs patchs de ce style. Hein. Il y en a un pour Gradius, je sais plus lequel, 2, 3, je sais plus. Et un pour Contra 3. Pour Gradius 3, je pense que ça a du sens parce qu'il est connu sur Super NES pour mettre à genoux cette pauvre console qui m'en demandait pas tant. Sur Contra 3, il y en a un. Il y a un truc sur Super Mario World aussi, je crois. Mais je sais plus. Pas. Bref. Okay. Voilà. Ok. Et donc, puisque ça fait bientôt 40 ans. Non, ça y est, Pac-Man a 40 ans. Moi, pas tout à fait. Ça va pas tarder. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à retweeter mes deux tweets de 19h05 de ce soir. Ça va marcher. T'es con. Je les ai vus, tes tweets, tu mérites des claques. Et donc, sur le coup, on va passer aux jeux vidéo qui sont des supports, on va dire, commerciaux des marques. Voilà. Et. Ils sont au final. Est-ce que. Alors, je sais pas comment tu vas. Oui, vas-y. Non, je voulais. Bon, moi, je pensais que. Alors, je vais pas demander. D'habitude, je suis un tour de table pour demander quelle est votre expérience avec. Mais je vais pas vous demander si vous avez déjà joué à des jeux commerciaux. On va commencer. Je pensais qu'on commencerait par parler, voilà, déjà des premiers jeux support commerciaux. Et avancer un petit peu dans le temps pour parler, évidemment, des plus connus, des plus évidents. Peut-être essayer de vous en faire découvrir d'autres qui sont moins connus. Et arriver aujourd'hui à la publicité in-game, comment c'est utilisé. Et, ouais. Voilà. Alors, mais justement, ces jeux vidéo, ces tout premiers jeux vidéo, la question que je me pose, si c'était vraiment une démarche d'un publicitaire d'une marque, de l'adapter en jeu vidéo, ou du jeu vidéo, et de profiter de la marque de publicité, tu sais, pour un financement, ce qui n'est pas du tout le même... C'est les marques publicitaires qui ont décidé d'investir en jeu vidéo. Ouais, mais alors, ce que je voulais surtout vous préciser, c'est que oui, j'imagine que c'est le cas, mais ça doit pas être systématique non plus, quoi. Il doit y quand même. De toute façon, ça le devient maintenant, et puis même à l'époque, il y a eu des pubs dans les jeux vidéo. Je pense que tu n'as même pas conscience qu'il y avait de la pub dedans. Oui. c'est ça qui est très insidieux. On en parlera après au fur et à mesure, mais il y a des trucs. À la limite, pour donner un exemple, pour illustrer ce que disait Bosdick, quand tu avais certains jeux de voiture ou des fois dans le scrolling, tu voyais défiler une marque de. Voilà, genre une marque d'huile ou un truc comme ça. Voilà, ouais. Le foot, c'est pareil. La pub, il y a toujours eu de la pub tout le temps dans les jeux vidéo. Mais là... après, par contre, où ça a commencé, moi j'ai ma petite idée, mais je pense pas que ça soit vraiment ça. Voilà, l'idée c'est de commencer. Je pense qu'on va commencer par choses antidéluviennes comme l'Atari 2600 hein, qui avait déjà des jeux à support publicitaire. Et on va arriver, c'était à l'époque moderne, et si vous êtes sage, on parlera même du petit placement produit discret de Death Stranding. Hein. Discret à peine. Voilà. Et donc sur le coup, retour il y a bientôt 40 ans hein, quand même, donc à l'époque de l'Atari 2600 où on a les... première trace de jeu commandée par des marques. Donc toi, Monsieur Chou, t'as trouvé quoi en premier? Bah écoute, moi, le seul qui me soit vraiment venu à l'esprit tout de suite, c'est pas vraiment un jeu qui a été commercialisé. C'est un jeu qui a été retrouvé après coup et que... C'est marque de soda? Pepsi Invaders, ouais. Voilà. On estime maintenant qu'il y en aurait à peu près 125 qui auraient été distribués. Voilà. On va effectivement commencer par la légende. Alors, je te laisse raconter la légende de Pepsi Invaders, c'est quand même super intéressant. C'est déjà, c'est totalement un ROM hack de Space Invaders, en fait, totalement, où les Invaders sont remplacés, en fait, par les lettres de Pepsi, plus un sprite, qui est tout simplement une repompe d'un Invaders, tout simplement. Donc, c'est un truc qui a été retrouvé, en fait, via des collectionneurs de jeux vidéo, qui est donc apparemment, selon la légende, c'est l'un des jeux les plus rares produits pour l'Atari 2600, qui est dû en grande partie à ces 125 copies qui sont en circulation. Alors, on estime qu'il y en a 125, mais bon. Voilà, on ne peut jamais savoir exactement, mais les prix sont totalement débilos. Et donc, apparemment, c'est vraiment un produit qui a été ordonné, enfin, qui a été commandé par Coca-Cola, tout simplement. Et apparemment, il aurait été offert à des personnes étant venu assister à... Voilà, à une convention de vente, je crois, ou un truc. C'est plus exactement une sorte de salon, en fait, destiné aux... Je dirais pas aux professionnels, mais je sais pas exactement... C'est parti de ces jeux, en fait, où la distribution est totalement floue, où t'arrives jamais à trouver vraiment des infos sourcées. Parce que là, tu regardes, en fait, Wikipédia, le seul truc qui est pas sourcé, c'est comment le jeu a été distribué. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Non, je vérifie. Ça a été créé dans l'intention de booster le moral des employés de chez Coca. Ouais, ça, par contre, c'est sourcé. Être... Ouais, ça devait être et un truc... Ouais. Atari... Attends. Attends, de quoi c'est marqué? Donc, le créateur original de la version Atari, c'est Rick Maurer. Ils ont demandé à quelqu'un... Ouais, en fait... Ok, d'accord. Bon, en fait, j'ai toujours pas l'info du truc, mais c'est connu comme étant l'un des premiers exemples de d'un genre qu'on va appeler le advert game, mélange de advertisement et de game. Ou promo game aussi, ça marche. Oui, voilà. Je sais pas si tu as un autre exemple à part ça. Mais... Je voulais parler donc de trois exemples sur Atari 2600 datant tous les trois de 1983. Là, je sais de qui tu vas parler. Qui était accessible uniquement via mail order, c'est-à-dire en gros il fallait les commander en vente par correspondance. Donc il y a Mattel qui a sorti un jeu qui s'appelle Cool Aid Man. Ah oui, oui, je le connais. 600 et une télévision sur le coup. Cool Aid, ce marque de soda qu'on n'a jamais eu. Et oui, dans nous on n'a pas eu ça. Non. Et un peu plus tard, le jeu sortira dans le commerce finalement, mais dans un premier temps il fallait le commander auprès de la marque Mattel directement. Ensuite, il y a eu un jeu que Purina a sorti. Oui, Purina les croquettes. Et oui. Chase the Chuck Wagon. Et je crois qu'il y en a un autre pire dans le même genre qui est encore moins connu. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps au détour d'une lecture, mais j'ai oublié le nom. Et il y a un troisième jeu, donc là, pour mon assistante, qui va lâcher son Animal Crossing, non, même pas. Johnson & Johnson. Voilà, c'est ça. Le truc des dentistes, c'est ça? A sorti, c'est ça, Tooth Protectors. Voilà. Voilà. La même manière. J'avais oublié le nom. Okay. Dispo de la même manière en VPC. Ce qui est. Alors après, on s'étonne. En fait, c'est marrant parce que l'Atari, tout le monde dit. Les gens qui connaissent pas disent c'est la faute à IT. C'est la faute à IT ce qui s'est passé. Bon, t'as eu Pac-Man qui a quand même dégueulasse. T'as quand même eu un sacré paquet de jeux de merde à partir de l'année 81, 82, 83. Faut pas s'étonner si les gens voulaient plus acheter des jeux sur cette console. Mais tu sais qu'en 83, il y en a un autre aussi. Hein. Ah bon? C'est mon rêve. Bah tu le connais en plus, Chou. Hein. J'ai dû le zapper. Tapper? Ah oui, la version arcade de Tapper, effectivement. Et il faut jamais oublier que c'est parrainé par Another Bush à la base, le jeu. Oui. C'est une bière allemande. Ouais, et tu as le logo de Budweiser en fait. Dans la version arcade. Voilà, dans la version arcade. Et je crois que tu as des versions console où c'est une marque de root beer ou un truc comme ça. C'est ça. Voilà. Ok, je cherche. Alors, tous les premiers jeux qui servaient de promotion pour des produits, c'était systématiquement des boissons, quoi. Bière, alcool ou Pepsi-Cola. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Après, ils ont tapé tout. Le jeu vidéo, c'était un immense encart publicitaire pour eux. À part quand même les croquettes pour chiens, quoi. Ça, bon, après... Purina, c'est magnifique. Après, si on cherche le plus, comment dire, pour s'éloigner un petit peu du sujet, mais quand même rester un peu dans le délire, si on cherche les exemples les plus anciens de jeux avec une licence d'un truc, voilà. Moi, le truc qui me vient en premier, c'est le jeu Fonzi, sorti par Sega en arcade. Et encore avant, Ibrinator le mentionnait dans le chat, il y a les Pong Coca, voilà, le Pong Coca-Cola, le TV Sportstron, et les Pong aussi sortis chez Mais Fonzi, pour ceux qui n'auraient pas la référence, on parle bien de Happy Days. Hein. Oui, cool. Voilà, c'est ça. J'ai fait le geste avec les pouces. Oui, voilà. Ça, c'est un truc que j'ai découvert au détour d'un machin. Je dis tiens, au détour des recherches, je dis tiens, donc ça existe. Non, parce que nous aussi, on a eu notre jeu avec le Fonzi français. Le Fonzi ? Quel Fonzi ? Le Fonzi français. Le Fonzi français. Ah. Je m'en l'ai dit ? Non, casse-toi, tu puis marche à l'ombre. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a un jeu Renault sur Amstrad, j'en parlais tout à l'heure dans mon live. Voilà, il faudra qu'on en parle, parce que ça reste quand même un jeu publicitaire, qu'on veuille ou non. Il va falloir que j'y joue un jour. Mais on en parlera un peu plus tard. Continuons à dérouler, oui. Monsieur Beyond. Non, c'était. Et donc, juste pour continuer, parce qu'on était. Donc, on est dans les années 80. Mais dans les années 80, au Japon, il commence aussi à y avoir des jeux promotionnels. Et on en connaît un extrêmement bien, qui est sorti en 1986 sur le Famicom Disk System, qui deviendra chez nous le Super Mario Bros. 2, mais Yume Kocho Doki Doki Panic est un jeu promotionnel. Ouais. Oui, c'était un parc d'attractions, je crois, en fait. C'était un show télé, déjà. Ah, un show télé, d'accord. Ouais. Il y a d'autres trucs qui ont été redécouverts après. Enfin, je vous invite à aller voir une vidéo de... Je vais vous la retrouver, je crois, d'une chaîne qui s'appelle Gadget Lionner, un truc comme ça. C'est en anglais, mais ça explique en fait la genèse du jeu. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, et donc c'est... Enfin, moi, je trouve ça toujours... toujours aussi dingue de voir ce truc qui est devenu un Mario, finalement, alors que... Ben, pas du tout, au départ. À une époque où on parlait pas encore, oui, de cohérence d'univers, ni de timeline, ni de ce genre de choses. De l'or. De l'or. Petit, c'est de l'or. Non, c'est petit, c'est l'honneur. C'est pas la même chose. Bon, je vous ai retrouvé la vidéo, je vous l'ai mis dans le chat. Elle est super bien, cette vidéo. Je suis tombé dessus il y a quelques temps. C'est dit, en plus, question l'or, le jeu, il a... Mario lui a tout volé, hein, quand même, hein, sur beaucoup de choses. Hein, quand même, hein. Pour ce qui est des Shy Guy, oui, des vases qu'on retrouve dans tous les Yoshi Island, ils ont tout pris. Hein, ils ont tout pris. Ouais. Après, absorbé, entre guillemets. Mais Beyond a raison, en fait. C'est une pratique qui a commencé à arriver avec la NES, en fait. De quoi, les swaps de... Non, mais que ce soit le placement produit ou carrément les jeux, en fait, les advert games, c'est vraiment une pratique qui a commencé à arriver avec la NES. Au plus loin que je me souvienne, le premier advert game auquel j'ai joué et que j'ai Ionoid et que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, pardon ? Ionoid ? Non ? Non. Non, Ionoid, ça c'est Domino's Pizza et c'est en 90. Ce que j'allais dire, Ionoid, c'est pas terrible ça. Celui que j'aime. Et c'est Capcom en plus. C'est McDonald's Land sur NES. Ah oui, c'est fabuleux. Alors moi j'ai une question, parce que le premier game auquel j'ai joué, c'est un jeu McDonald's sur Game Boy. Est-ce que c'est un portage de la version NES ou est-ce que c'est encore un autre truc? Je crois que c'est le même jeu, il me semble. Peu ou prou, hein. Beyond, quand tu parles du McDonald's, McDonald's Game Boy, c'est ça, oui, c'est un portage, oui, c'est un portage, tout à fait, le même graphisme. Et je vous confirme, alors sur Game Boy, franchement, le jeu, il était pas dégueulasse, à part, mais bon, c'est un problème de Game Boy, ça, on voyait pas loin. Oui, oui. Le jeunesse, c'est un jeu de plateforme qui est vraiment tout. Alors, on manie. Moi, je le trouve fabuleux, mais vraiment. Hein. C'est le premier jeu dans lequel on manie Mickey Mac. Et, ouais, Mickey Mac Global Gladiator. Et qui a la particularité au niveau gameplay d'avoir des moments où on se retrouve avec la tête en bas. Oui, tout à fait. Oui, mais en plus, il y a plein de trucs cachés. C'est vraiment un très très bon jeu de plateforme. Et qui a une mécanique qui m'a fait penser à un petit peu à Mario 2, hein, où tu sais, tu prends des blocs, ouais, et puis tu les balances, mais je sais pas comment dire, il y avait un feeling bizarre. Bon, après, les blocs, ils partent genre tout droit. C'est assez marrant. En tout cas, sur Game Boy, c'est vraiment, tu prends le truc, il part tout droit. Mais non, mais sur NES, c'est pour la même chose. Hein. c'est pas... Et tu l'as fait sur les ennemis. C'est l'un des jeux où il y avait Hamburglar. Et ouais. Comme Warhammer était mon perso préféré. C'est le Cambrio Burger. Ça te rappelle rien, Vic, ça? Non. Ça te rappelle rien du tout. Non. Dans les Simpsons, c'est le Cambrio Burger quand Homer il est en crusty et qu'il tabasse le type. Voilà, et donc. Il y en a qui disaient, mais arrêtez, il est déjà mort. Et ça te rappelle rien. Je repense à ça, ça me fait toujours rire. Non, parce qu'en Burger, les enfants de maintenant ne peuvent pas connaître. Ils n'existent plus, les Shitty Friends McDonald's, non? Non, ils ont. Du moins, je sais pas, chez nous, ils ont abandonné aux États-Unis, peut-être, je sais probablement. Mais nous, ça n'a jamais véritablement pris. Hein. Aparté, on parle des Simpsons. Sur Disney+, apparemment, vous savez, le zoom pour faire entrer l'image en 16:9, ils l'ont corrigé. Mmh. Voilà. Ça y est. Oui, ça, on me l'a confirmé. Vu voilà. Comment ils se sont fait insulter. Parce que je vous mets le lien de la vidéo pour ceux qui n'ont jamais vu ce truc. Mais ils se sont fait insulter parce qu'il y avait de quoi insulter, hein. ça faisait même niquer des gags, donc Oui, hein, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Enfin bref, voilà, c'est la blague, voilà. Bon, ils ont toujours laissé par contre la fourrure par-dessus le cul de je sais plus qui. Ça, c'est pour la sirène. Oui, c'est ça, mais bon, bref, voilà. Et Brinator, oui, il y a bien un jeu Carlos, il existe bien. Oui, ce jeu de l'enfer. Je n'y ai jamais joué et il va falloir que j'y joue un jour, ça me fait beaucoup rire. Bon courage, voilà. Et Ils disent bien un jeu, les aventures de Mokhtar avec Vincent Lagaffe. Alors bon, voilà. Je termine rapidement sur McDonald's Land pour dire que en termes de collection, c'est un jeu qui ne coûtera pas grand-chose ni sur NES ni sur Game Boy. Mm-hmm. Ça reste du domaine de l'abordable. Voilà, pas de soucis, c'est pas un jeu qui est spécialement rare. Je suis en train de me dire, je l'avais pas fini par contre. Moi, il était trop dur pour moi à l'époque. Peut-être même maintenant, il était dur. Non, il était dur ou pas à la base le jeu? Je sais pas, moi je l'avais fini à l'époque, mais je pourrais pas dire. J'avais quel âge quand il est sorti? 11 ou 12 ans? Niveau difficulté, on n'est pas du niveau des cadors de la NES. Hein. C'est ouais. Vrai. Ça reste acceptable. Okay. Mais je l'avais pas fini. Mais c'est peut-être jouez-y. Aussi... jouez-y parce qu'effectivement, c'est quand même un très bon jeu. Ouais, c'est un bon jeu. Ouais. Et puis les musiques, elles étaient un peu catchy, je trouve. Enfin, tu sais, c'était pas des musiques de ouf, mais. Bah, j'ai pas de mauvais souvenirs. T'étais dedans, quoi. En fait, c'était pas dégueulasse. Ouais, t'étais dedans, quoi. En fait, c'est juste ça. T'étais dedans. Ça marchait bien. Je vais essayer de voir si je peux trouver des infos sur qui a fait les compos. Mm-hmm. Et t'as dit un truc, Pelle, je crois, mais... Oui, non, je disais, le jeu, il faisait le taf. À chaque fois que vous lanciez le jeu, vous aviez envie d'un Happy Meal. Ah bah... C'était le but, hein. Ah bah, moi, oui, évidemment. Putain. Moi, non, sachant que McDo, déjà, était bien implanté à l'époque. Le McDo, par chez moi, je suis de la région lyonnaise. C'était très bien implanté partout. Mais non, pas particulièrement. Moi, je jouais au jeu, j'étais content, je jouais au jeu, je m'en battais la rate. Mais de toute façon, après, moi, le rapport à la pub, il a toujours été particulier. Jamais été quelqu'un... qui était attrapé par la pub. Moi, la pub, assez peu d'effet sur moi. J'ai de regarder, donc, il y a plusieurs compositeurs qui sont crédités sur le jeu, un par version. Donc, t'as Henry Jackman sur Commodore 64, et lui, je le connais pour je sais plus quoi. D'accord, oui. C'est 92, McDonald's. Oui, je me souviens pourquoi. Lui, il est connu parce qu'en fait, il a travaillé comme... il a travaillé avec pas mal de grands artistes comme Michael Field et compagnie. Oui, d'accord, ok. Oh, il faut pas oublier qu'il s'appelle MC Kids, hein, le jeu. Ah ouais. Il a travaillé aussi avec Seal, le chanteur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Enfin, il a fait pas mal de trucs, en fait. Voilà, donc lui, je le connaissais. Par contre, la version NES, c'est Charles Dinen. J'ai pas spécialement beaucoup d'infos, en fait, sur les jeux de regarder. Absolument pas. Mais bon, les musiques sont aussi. C'est un Hollandais, j'essaie de voir ce qu'il a fait. Il aurait travaillé comme supervising sound designer des cinématiques de Gear 5. Il est crédité aussi sur des trucs comme des Call of Duty, des machins comme ça, des Need for Speed. Bon voilà, apparemment c'est pas un illustre inconnu, ça que je veux dire. tu passes de Ronald à Call of Duty, c'est pas je m'excuse. C'est bien lui. Par contre, il est crédité comme sound director de Mario Teaches Typing. Ah, Clay Fighter Sound Effect, c'est lui. Oh mon dieu. Voilà, par contre, c'est pas bien ça. Dernière petite anecdote sur la version Game Boy, justement, dont t'as parlé moi de McDonald's Land. En dehors de l'Europe, bah, c'est pas un jeu McDonald's. Oh. Ah oui. C'est un jeu 7-Up qui s'appelle Spot the Cool Adventure. C'est marrant parce que oui. On parle de Spot à nouveau pendant l'émission. Ouais, il y a des chances, ouais. C'est fou, ça. Je veux dire, qu'il y a un rhabillage de jeux pour un nouveau continent, c'est quelque chose d'assez courant, mais pour sauver une autre marque, Et là, on a carrément un habillage de jeu pour une autre marque. Ce qui... ouais. Alors c'est après, la question que la question à se poser, c'est est-ce vraiment une autre marque? Parce que c'est peut-être, ça appartient peut-être au même groupe au final. Non, mais bien sûr, oui. Ok. Et t'avais d'autres jeux, Ness, Chou, que t'avais trouvé dans ta recherche? Yonoid, qui m'était venu par à l'esprit, mais... Non, mais ça, bah, si, Yonoid, il faut en parler, parce que c'est Capcom qui le fait, et ça, c'est voilà. Invraisemblable. Hein. C'est pour... Alors, j'y ai joué une fois ou deux dans ma vie en ému. Je sais même pas si c'est sorti chez nous. Je t'avoue, je sais pas. Alors, je vois une pochette américaine, mais a priori... Bah, vu que c'est pour c'est Domino's Pizza, c'est Domino's il y a, Pizza. Y a peu de chances que ça soit sorti chez nous, parce que Domino's en 90, ouais. En France, je sais même pas si Japon et Amérique du Nord, selon Wiki. Et j'ai envie de dire, on perd pas grand-chose. Hein. C'est pas, oui, alors, c'est pas fou. Le jeu après, en fait, comment j'ai découvert Yonoid, c'est qu'en fait, des masques Ninja Anamalu, je crois, sur Famicom, oui, c'est ça. C'est un jeu que j'ai sur Famicom. Et c'est une fois que je l'ai acheté, je l'avais acheté dans un pack de jeux. En fait, c'était l'époque où j'achetais des jeux. Genre, il y a un jeu, il m'intéressait. Ah, je voyais qu'il était dans un pack de jeux, genre sur eBay. Tu mets une annonce à un prix improbable et puis tu finis par l'avoir. En mettant dans ma console, en fait, je me dis, merde, ce jeu me dit quelque chose. Et c'est quelques années plus tard, je me suis dit, ah tiens, oui, c'est vrai que c'est la version originale de Yonoid, en fait. Et donc, ouais, c'est pas mauvais, c'est pas fou. C'est parti de ces petits jeux Capcom, en fait, où, comment dire, bah, tu dis, Capcom, ils faisaient pas que des excellents jeux, ils faisaient parfois des jeux aussi un peu moyens. Oui, mais là, on a dû leur donner pas mal de fric, parce que c'est Domino's Pizza, ils se sont dit, allez, banco. Apparemment, truc exclusif à la version US, donc la version Yonoid, au dos du livret, de la notice, il y avait un coupon de 1$. Donc à mon avis, moi je dis rien, mais la notice, elle a trouvé complète, connaissant les Américains. Non mais ça, c'est technique, franchement. Comme, non mais bah, après, je dirais pas que c'est bien vu, mais voilà quoi. C'est super bien vu. Ah bon, après ça, Hybridator, j'allais pas en parler tout de suite pour pas trigger Bosdick, mais effectivement, il existe bien un jeu pour... Et faut pas oublier que, juste pour info... Je l'aime bien ce jeu, moi. Pour Yonoid. Oui. C'est un rip-off de Wagonland. Oui, voilà. Wagonland, bon, j'allais pas spécialement en parler parce que je suis pas le compétent du monde. Oui, non, mais c'est comme Doki Doki Panic et Mario, quoi. C'est, voilà. C'est quand même un rip-off, quoi. Ils ont juste changé de jeu, quoi. C'est pas le même jeu en version. Ouais. Et voilà, il me semble qu'il y en avait encore un autre, mais c'était le seul qui me venait vraiment à l'esprit. Une boîte de production japonaise qui s'appelle No Production, qui est très pas connue et qui pourtant a fait plein de jeux pour commande d'autres éditeurs, dont notamment du Adventure Island. On les retrouve sur du Clonoa sur Game Boy Advance. On va les retrouver sur Mega Drive avec du Splatterhouse, Rolling Thunder 3, des trucs comme ça. Voilà. Et sur TurboGrafx 16, même, donc sur du Dragon Saber par exemple. Mmh. Ok. Et donc ouais, Yonoid. Et puis après, donc oui, sur le coup, moi le jeu qui est sorti peu après, dont je me souviens qu'il soit le premier placement publicitaire un petit peu spot, ancien on va dire, qui est sorti un petit peu avant Cool Spot, il me semble. Oui, c'est l'année d'avant. C'est Zool. Ah oui. Choupa-choups. Le fameux jeu de Choupa-choups. Qui donc a connu aussi une suite sur Jaguar, qui est un des rares jeux corrects de la machine. J'ai dit correct, vous emballez pas. Le ninja de l'enfant, je dirais même pas ça, parce que je l'ai testé chez toi, Sabine. Oui, et alors, c'était bien. Si tu compares à Jaguar, c'était sans doute bien, ouais. Bah, voilà. Non, mais je veux dire, je trouvais pas le jeu très agréable à manier. Ah. Il y a beaucoup de jeux Amiga. En concurrence à Sonic, hein. On peut dire que c'est comme ça, après, pas super agréable. Le problème que j'ai avec Zool, c'est que je comprends pas comment tu peux y jouer sur console. J'explique pourquoi. C'est un jeu qui a été développé pour l'Amiga, donc ça a été développé pour jouer avec un bouton sur le joystick. Quand il joue sur Super NES, ça n'apporte rien de plus. On est bien d'accord. À part que c'est un peu plus confortable de jouer avec la manette et d'avoir un bouton pour sauter au lieu d'appuyer sur le haut de ton joystick. Oui. Donc voilà, c'est très typé jeu de plateforme de l'Amiga. Mais sinon, c'est très bon. Ah, je trouve pas. Enfin, Ouais, moi je suis comme Pelle, je trouve ça assez. Le niveau, le level design, je trouve vraiment pas ça palpitant, quoi. C'est... Oui, non. Ouais, ouais. Le perso répond trop bizarrement, je trouve. Et justement, parce qu'en fait, c'est normal. Étant donné que le jeu a été prévu pour être joué d'une certaine façon avec un certain type de manette, transposer ça après, voilà. C'est un de ces jeux qui fait très Amiga, qui fait très micro, dans le sens, c'est un petit peu comme Turrican, où t'as l'impression que quand tu sautes, t'appuies sur toutes les directions, t'as le scrolling qui te suit, mais à la frame. Et que c'est ce que j'allais dire. On se calme. J'ai joué au jeu sur Super NES et la caméra est littéralement collée au perso. Jean-Michel Caméra. Ouais. Et c'est très perturbant. Et il y a un autre truc qui m'avait choqué, moi, c'est que il ferait presque passer Sonic pour un escargot, le perso. Hein. Ouais, t'as raison. Ah oui. Non, c'est vrai que Zool, c'est un jeu où ça va. Le perso, mais il a pas le temps. Le jeu, il va super vite. J'ai halluciné, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'avais beaucoup de soucis aussi dans mes souvenirs. Là. C'était de... Les items qu'on ramassait, des fois, ça se mélangeait avec ce qui pouvait te frapper. Quoi. J'avais beaucoup de mal à m'y retrouver, alors que dans un platformer, t'es censé bien voir la différence entre ce qui peut te choper ou pas et ce qui peut être bénéfique pour toi, tu sais, tous les goodies, les bonbons, machin. Bah là, j'avais du mal. Dans Zool, je sais pas, j'ai vraiment pas aimé le jeu. Je n'ai jamais joué à Zool. Je connais le jeu, mais j'y ai jamais joué. Alors, niveau musique, ça a été fait par Pat Filan. Qu'est-ce qu'il a fait déjà, lui? Oui, il a fait des musiques sur Micro Machine, les Actua Soccer, voilà, je cherchais. L'Audid, c'est lui aussi la bande son de L'Audid, si je me souviens. Ah ouais. Ouais, effectivement, j'ai vérifié, c'est bien lui. Pat Filan. Okay. Après, si vous aimez peut-être pas un peu le jeu, c'est très typé des productions de chez Gremlin Graphics. Ah bah oui, voilà. C'est tout du jeu Amiga. Oui, mais enfin voilà. Moi, c'est pas un jeu qui m'est désagréable, par contre, est-ce que c'est un jeu sur lequel je passerai une après-midi? Non, pas forcément. Après, un truc aussi qui m'est marqué dedans... Il n'y avait pas dedans un mini-jeu ou un truc comme ça, façon, comment dire, shoot them up? Non? Tu vois, je confonds avec autre chose. Il y a eu plusieurs épisodes, il y en a eu deux, Zool, hein, il me semble bien. Ouais, non. Zool, oui, un, deux. Voilà, c'est. Voilà, deux. Voilà. Ouais, non, mais peut-être justement, dans le 2, il y a eu ce que tu disais, monsieur. Parce que moi, c'est ouf. Ouais, je me souviens plus. Je dois confondre avec autre chose. Hein. Je dois confondre avec autre chose. Et du coup, s'il y a eu un 2, c'est que le jeu a eu quand même un petit succès à l'époque. Hein. Ça, je savais qu'il y avait pas mal de joueurs. Il a très bien marché. C'est un jeu qui a encore bonne presse hein, et qui est aimé. Hein. Oui. T'avais dedans aussi. Faut voir aussi un peu dans quel contexte c'est sorti. C'est sorti dans les années où la musique techno commençait aussi à cartonner. La bande son du jeu, elle est très typée comme ça, si je me souviens bien. Et Choupa Choups. Beaucoup. C'était aussi. On oublie la pub Choupa Choups chez Super. Oui, c'était aussi. C'est cette époque-là. Hein. C'était aussi une marque voilà, qui était aussi un peu emblématique à cette époque. C'est un jeu qui a vraiment été fait pour concurrencer Sonic. On parlait tout à l'heure du Ah, mais oui, voilà. Totalement. C'était vraiment ça. Hein. Je pense que c'était le but premier du jeu. Et quand tu vois comment il a été reçu à l'époque, tu prends Amiga Format qui lui met 95%. Ouais. Ah oui. D'accord. Voilà. Amiga Computing qui lui met 97%, Amiga Action 96%, voilà donc voilà. Ouais, ils ont eu des paquets de sucettes, oui. Peut-être pas, parce qu'à l'époque le jeu était. Ou alors, moi je dirais, ils se sont fait sucettes. Bah, le jeu était pas dégueulasse pour l'époque. Non, je suis sévère, il est pas si dégueulasse. Toujours remettre dans le contexte de l'époque. Oui, bah, bien sûr. Pour l'époque, c'était quand même un jeu qui était pas mal. Pour la version Amiga, moi, c'est la version Amiga et Super NES que j'ai pu jouer. Le reste, je peux pas dire. Voilà. Le 2, par contre, j'y ai jamais joué. Ça, c'est. Je ne peux pas dire. Ok. Bon, bah, on va continuer à avancer un peu dans le temps. On parlait rapidement de. Parce qu'on reste en 1992. Enfin, non, même pas avancer, on va rester en 1992. Puisqu'il y a aussi deux autres jeux qui vont sortir qui sont assez connus sur Mega Drive. Sur Mega Drive et Super NES pour un qui est alors connu, je sais pas, on va en parler rapidement quand même. Il y a un jeu Chester Cheetah qui s'appelle Pour les Cheetah Fools. Oui, les Cheetah Fools. J'ai jamais joué. Et donc, il y a un jeu Chester Cheetah, c'est qui? C'était la mascotte de Doritos. Cheetos. Voilà. Et le truc, c'est que le jeu est sorti sur Super NES et Genesis, mais qu'en Amérique du Nord. Il a connu aussi une suite l'année suivante, qui s'appelle Wild Wild Quest. Qui j'adore ce jeu. En Amérique du Nord. Et édité par Kaneko. Hein. Ouais, Kaneko, c'était pas mal hein, quand ils faisaient des trucs. Kaneko, ils se sont tapés pas mal de jeux publicitaires en fait. Digiboy, Galspanic, c'est eux. Ah merde. J'en ai un autre de Kaneko. Alors, les jeux sont réputés comme étant quand même très moyens, rien de foufou. Voilà. Ils font souvent les silly. Hein, j'en ai appliqué des verres pour la suite. Ils font souvent les silly games, hein, les jeux Chester Cheetah, hein, oui. À la GDQ. Enfin, à la SGDQ, du coup. Voilà, ça les place là en termes de qualité, quoi. D'accord, mais voilà, c'est pour dire aux gens, ça existe, c'est sympa, si vous voulez tester ça en émulation, ça peut être rigolo. Et enfin, bon, 92, c'est aussi l'année d'un jeu qui, par contre, sera beaucoup plus connu chez nous, que nous avons tous connu ici, je pense, qui est Global Gladiators. Ah bah là, voilà. Oui. Bah moi, je ne l'ai jamais joué. Parce que mention à... Mention à... À Sapin, d'ailleurs. J'ai pas entendu. Global Gladiators. Ah, que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que c'est David Perry déjà là-dedans? Eh bien, justement, voilà, on va en parler parce que Global Gladiators, c'est déjà David Perry. Et Tommy Tallarico. Perry au design, à la programmation, et Tommy Tallarico à la musique. Alors, déjà, les musiques, je les trouve fabuleuses, moi. Mais... Alors, il fait partie de ces jeux où, généralement, quand les gens disent le chipset Soda dans la Mega Drive, il fait que de la merde, on peut leur mettre. Oui, ça déjà. Ça n'a jamais été vrai. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu dis la musique de la Mega Drive, c'est de la merde. La musique de la Super Nintendo, c'est Jean-Michel Reverb. Alors bon, t'as choisi ton camp, camarade. Hein. Quelque part, voilà. C'est vrai. Le jeu est sorti à l'époque sur Mega Drive, Master System, Game Gear et Amiga. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que le wiki anglais dit que c'est une suite spirituelle de McDonald's Land sur NES. Alors, pas du tout. Hein. Genre, dans les doigts, ça a juste rien à voir. Le jeu est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus dur. Il est beaucoup plus tout, en fait. C'est un jeu de David Perry. Donc, c'est un jeu qui va être plein de bonnes idées, un peu foufou, très nerveux. Avec un level design de merde. Voilà. Et avec des hitbox du cul. Comme toujours, aussi, très important. Les hitbox qui veulent rien dire. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je vois quand on me dit que c'est un jeu de David Perry, moi, le truc qui me vient, la qualité qui vient en premier, c'est l'animation des sprites, systématiquement, tu vois. Tout. Oui, d'accord. Et c'est vrai que les animations sont craquées. C'est un très bon jeu. C'est vraiment bien foutu, hein, quand même. Hein. Mais c'est un jeu qui va te faire du mal. Comme je regarde s'il a fait un autre jeu sur Mega Drive avant. Il nous avait fait The Terminator avant, mais un jeu qu'on peut pas non plus critiquer pour son animation. Parce que c'était déjà très bien émulé. Ah, la version Mega CD. Et la version Mega Drive était déjà très très bien. Et donc ce Global Gladiators, donc un jeu totalement McDonald's dans lequel vous maniez Mickey Mac qui tire sur des slimes et ramasse des petits M un peu partout. Le jeu est très classique entre guillemets, c'est pas un jeu qui va révolutionner le jeu de plateforme, mais qui est plutôt cool à jouer, agréable et tendance à être méchant sur la fin. Hein, voilà. Au début c'est gentil, après. Oui, comme tous les jeux David Perry en fait. Voilà. D'accord. Ce cool spot, quand tu arrives au stage de la baignoire, t'as un peu envie de casser le jeu. Quoi. Et donc voilà, on peut glisser subrepticement vers cool spot, puisque donc David Perry sera à l'origine d'un autre jeu publicitaire très connu qui est cool spot. Oui, donc. Qui chez nous n'était pas un jeu publicitaire. Comment ça, c'était pas un jeu publicitaire chez nous ? Ils ont enlevé les références à Seven. Il y a plein de références qui ont été enlevées en fait. Bah déjà nous chez nous enfin non mais tu vois la bouteille mais y a pas les... il me semble pas qu'il y a la pub dessus. Le bonus stage, ils ont enlevé tout ce qui était attrait à 7-Up, hein. Tu crois sur une version, il me semble, hein. Il y a une histoire de différence de version. Alors, je sais plus si c'est la version Super NES ou quoi, mais effectivement il y a une version dans laquelle il y a marqué 7-Up quand tu prends les lettres du stage bonus, et l'autre version dans laquelle il y a marqué Uncola. Totalement. Et qui sur le coup fait disparaître les références. La version Mega Drive ou t'as pas la. Parce que moi j'ai joué à la version Super NES, de mémoire il y avait ça dedans. Ah là là. Alors, attends, faut faut retrouver la différente version. De... Regional Difference sur Wikipédia. Dans la version européenne, la bouteille de 7-Up est... déjà la pastille, c'est quand même déjà 7-Up. Alors, la bouteille de 7-Up est, est retirée pour, voilà. dans la, pour être remplacée par une bouteille générique. Ah oui, c'est, en fait, chez nous, il n'était pas, même pas considéré comme un jeu publicitaire. En fait, c'est super bizarre. On savait que c'était un jeu 7-Up, mais ouais. pour des raisons obscures, ça n'apparaît pas dans le jeu. Non, c'est pas pour une raison obscure. Parce que chez nous, la mascotte de 7-Up... C'est Fido Dido. C'était Fido Dido, ouais. Fido Dido qui a d'ailleurs eu son jeu sur Mega Drive en 93. Oui, jamais joué, d'ailleurs. Alors, on un jeu de Kaneko aussi, d'ailleurs. Encore. Et donc oui, alors on peut parler rapidement de Fido Dido parce que voilà, on... hop. J'essaie juste de trouver si j'arrive à trouver la ROM quelque part par là. Oui, c'est là. Hop, Sega Retro. Parfait, je la mets dans le chat. Donc Fido Dido est un jeu donc Kaneko, comme tu dis, qui devait sortir sur Mega Drive, fait en 1993, qui est un jeu de plateforme et que Sega n'a jamais sorti. Voilà. Alors qu'il, donc... était, fini... Alors qu'il était fini, il me semble. Tout était bon. Voilà. Vous pouvez là sur la page que j'ai mis, il y a la version qui a été retrouvée. Hein, donc le jeu existe, on peut y jouer. Il y a même, il me semble, des cartes boîtes qui existent sur AliExpress. Hein, donc... J'adore les plateformes du jeu. Les plateformes, n'importe quoi. Les passwords du jeu. Me font beaucoup rire. Moi, quand je regarde le jeu, je trouve pas ça dégueulasse. C'est du marrant tout. Parce que Fido Dido, c'est censé être la mascotte donc, de 7-Up plus chez nous. Mais en fait. On retient plus facilement le jeu avec Ghost Squad quand même, quoi. Le jeu est pas sorti. Le jeu est pas sorti, c'est ça aussi. Oui. Parce que Fido Dido chez nous, c'est quelque chose qui a marché. C'est super ancré hein, pour les années 90. Hein. Fido Dido, on connaissait. Il y avait des pulls, il y avait des fringues. Il y a Fredo qui nous dit qu'il a toujours cru que Fido Dido c'était le personnage du logo Micromania. Ah, mais carrément, c'est ça. C'est vrai. Et Fido Dido ressemble beaucoup au pote. Alors, c'était un dessin animé que je regardais qui s'appelait Doug, je crois. C'est Doug, oui. Ouais. Oui, Doug, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et, oui, c'est un dessin animé Disney qui est sur Disney Plus en plus. Ouais. Ah putain, c'est sur Disney Plus. Non, je ne sais pas si chez nous il y est. Ils l'ont peut-être mis. Ils ont été rachetés par Disney, mais alors c'est pas un dessin animé Disney. J'ai Oui, il y a une coupure en fait. Il y a deux parties dans le dessin animé. Mais le coup de crayon, me fait vraiment penser à. Il y a un petit peu de ça. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de Micromania, hein, il a raison. Bah ouais, c'est vrai que l'ancien logo de Micromania. Ouais. Bienvenue. Donc, Cool Spot, pour revenir à Cool Spot, c'est un très bon jeu. C'est un bon jeu, c'est un jeu qui est sorti donc sur Super NES, on l'a dit, sur Master System et sur Mega Drive. Ça fait partie de ces jeux qui ont alimenté à l'époque la. Évidemment. La guerre Nintendo-Sega, puisque la version Super Nintendo est bien plus léchée d'un point de vue technique. Mais la version Mega Drive, ben moi, je l'ai toujours trouvé plus sympa à jouer que la version Super NES. Bah elle est bien, la version Mega Drive. Franchement, voilà. Toujours le même problème avec tous les jeux de David Perry, c'est qu'ils étaient plus jolis sur Super NES, mais ils étaient plus agréables à jouer sur Mega Drive. C'est pareil pour Arsenal. Il le disait lui-même, David Perry. Hein, il préférait jouer sur Mega Drive aussi. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un deuxième, s'il me semble bien, mais en 2D isométrique. Et il y a eu effectivement un Spot Ghost to Hollywood, Spot Ghost to Hollywood qui est sorti sur Mega Drive, sur PS1 et sur Saturn. Et qui est donc effectivement un jeu de. Pas sur Super NES, non. Et qui est un jeu de plateforme en 3D isométrique et qui n'est pas non plus ouf, quoi. C'est moins bien que le premier. C'est pas dégueulasse, mais je le trouve moins quali. Beaucoup moins quali. Et est-ce qu'il n'y en aurait pas un en 3D pur de Cool Spot? Bonne question. Cool Spot, ça existe, je crois. Il me semble que oui. Hein. Il me semble qu'ils ont franchi le pas et que c'était. Oui, attends que je regarde. Bien sûr, enfin, je vais pas le retrouver, mais. Non, moi, j'ai connu que la version Mega Drive, enfin, Spot Ghost Hollywood. Je me souviens là sur Mega Drive. En vrai, quand j'ai commencé la collection, je savais même pas qu'il était sorti sur Saturn et PS1. Je l'ai appris parce que je l'ai trouvé. Voilà. Non, il n'y a pas l'air d'avoir un coup de pote entre. Non, j'ai dû confondre avec la version PlayStation, peut-être. Ouais. Et donc, autant la version Mega Drive de Spot Hollywood est facile à trouver, autant la version Saturn, je l'ai pas croisé extrêmement souvent. Je ne l'ai jamais vu. Je sais, à mon avis, avec quoi on a dû confondre Buzzdick. On a peut-être dû confondre avec un jeu 3D sur Engine, non? Oui, c'est possible. Ouais. Sachant que sur Engine 3D est dégueulasse. Voilà, c'est à mon avis, c'est ça. Mais oui, c'est possible. Ouais. Voilà. Et donc, moi, en tout cas, je vais passer à l'époque. J'ai un super souvenir de Cool Spot, même si, effectivement, le jeu est quand même très répétitif et qu'il est franchement méchant sur la fin. Moi, je me rappelle des musiques, moi. J'aime beaucoup les musiques. Mais c'est du Talarico encore, de toute façon. Donc, voilà, c'est encore du Talarico qui fait des merveilles. Ah oui, totalement. Ouais. Et la même année donc, que Cool Spot, il y a un autre jeu McDonald's qui est sorti. Alors par contre, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connu que McDonald's Land et Global Gladiators. Mais il faut absolument en parler parce que c'est un véritable trésor. Ah. C'est le fameux McDonald's Treasure Land. Qui est aussi fabuleux, mais c'est celui-là où tu joues avec Ronald, par contre. C'est celui où tu joues avec Ronald, et qui donc a été fait par la firme Treasure. Il est super bien. Par contre, faut pas être allergique au clown. Oui, oui, non, mais ça va, c'est pas le clown de ça, quoi. Ah, moi, le seul clown que je peux supporter, c'est Krusty. Bon. Donc ouais, McDonald's Treasure Land sur Mega Drive est un jeu qui est vraiment très agréable à jouer, qui est très joli graphiquement, mais qui est un peu comme tous les Treasures, c'est-à-dire que, attention, il peut un petit peu piquer par moment, un petit peu vous prendre à revers en mode « Ah, d'accord !» Il s'assure sur votre visage et vous étouffez. Et il y a surtout... Sur Famicom, d'accord. Il y a aussi un gros, gros problème avec ce jeu, c'est sa cote. C'est-à-dire que complet en boîte et notice en version européenne, on va taper dans les 150 euros. Tu cherches même pas à l'acheter. Hein. Ça, ouais. C'est le genre de jeu auquel on vous dit régulièrement, si vous pouvez y jouer, jouez-y en ému. Ouais, mais c'est le cas de tous les jeux très rares, presque maintenant. Oui. C'est vrai. Ce qui est dommage, parce que c'est, techniquement, il est fou. Vous savez, je trouve que visuellement, mais ce qui est logique, il me fait penser un petit peu à... Dynamite Eddy, quoi, mais en moins farfelu peut-être, quoi, mais quand même très propre. Bah, c'est plus classique parce que ça reste quand même un jeu publicitaire. C'est un jeu publicitaire à la source Treasure, mais ça reste quand même un jeu publicitaire. Oui. Mais le jeu, les couleurs, moi j'aime les couleurs. Ah oui, mais c'est ça, c'est au niveau des couleurs et tout ça, ils savent utiliser les. Ils savent, enfin, ils mettent la palette. Les Treasures, que, franchement. Donc oui, c'est un jeu auquel, si vous pouvez pas l'acheter parce qu'il est cher, c'est vous avez la possibilité de jouer en émulation. Voilà, essayez-le et passez un bon moment. C'est la meilleure idée encore. Après, il existe une transition entre les deux jeux. Bon, on a parlé en dernier. Ah, oui, attends, juste pour avant, je voudrais parler de deux jeux bien particuliers. Un jeu de 91 pour Monsieur Chou, fait par Belin. Fait par Belin. Belin. Et oui, on parle Pépito, de... Pépito, le roi du gâteau. C'est les aventures de Pépito, Mexique. Oui, alors j'y ai jamais joué. CPC 6128, c'est dégueulasse. Oui. J'ai jamais joué, j'ai toujours, à chaque fois que je veux y jouer, en fait, je me décide à faire autre chose. Et pourquoi je me fais rire par le titre? Parce que je repense au sketch de KDO. Oui, Sergent Pepper. Voilà. J'ai le bras long dans le gâteau. Ça me fait crever de rire à chaque fois que je repense à ça. Donc oui, moi, Monsieur Billon, Monsieur Pay, il existe un jeu Pépito édité par Belin. Voilà. On en parlait tout à l'heure sur mon live, en fait, avant. Voilà. Et c'est vrai, parce que je connais le jeu. Et il y a un jeu bien particulier qui est sorti en 91, Amérique du Nord, Amérique du Sud, qui s'appelle Captain Novoline. Oh putain, oui, bah lui. Le Captain Novoline. Mais lui, il faut en parler. Non, alors par contre, non, je ne pensais pas en parler, mais effectivement, il s'est parlé de. Il rentre tout à fait dans le. Vas-y, Buzzdick, parle de. Captain Novoline, en fait, c'est un jeu qui est sponsorisé par Novo Nordisk. Et Novo Nordisk, c'est un des plus gros fabricant d'insuline dans le monde. Et c'est un jeu qui a été fait par eux pour vanter les mérites de l'insuline quand tu as du diabète. Le jeu est dégueulasse. Alors, et, je voulais le dire, hein, parce que visuellement, c'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est... Oui, mais ça reste le seul jeu du monde où on te demande comment faire pour... pour prendre ton taux de diabète. Un jeu qui est censé t'éduquer à réguler ton diabète, ouais. Sauf que c'est dégueulasse. Hein. C'est... Voilà, ça reste une curiosité. C'est un jeu, vous le trouverez pas. Je ne l'ai jamais vu nulle part. Je sais même pas si on arrive à encore en trouver en vente. C'est que US, je crois, et à mon avis, c'est des... Ouais, c'est vraiment... particulière, à mon avis. Mais si vous pouvez tenter l'émulation, mais ne me remerciez pas. Parce qu'en fait, vous n'allez pas le faire de toute façon, vous allez me maudire. Ouais. Alors, voilà. On parlait de MacKids et de Cool Spot. Il faut savoir qu'il y a une version Game Boy qui s'appelle Spot The Cool Adventure, qui est en fait un port de MacKids. Oui. Oui, voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, à propos de la version Game Boy. Ah, c'est quand j'étais parti uriner, oui. C'est voilà, voilà, donc, voilà. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ouais. Non, on peut continuer. J'ai sorti mes deux gros caca. Ouais. On va voir. Moi, je vais parler donc après de jeux qui sont peut-être un petit peu plus, on va dire, agressifs. Hein. C'est-à-dire que là, on va parler de trucs exclusifs au Japon, mais qui a quand même une solide réputation. Le fameux Coca-Cola Kid sur Game Gear. Et sa console rouge, aux couleurs de Coca. Son édition limitée, une des plus prestigieuses et une des plus rares aujourd'hui. Est-ce aussi prestigieux que le Pong Coca-Cola ? Ah, c'est plus d'exemplaires, je suis sûr, mais là... C'est quelle année, là ? Là, c'est, on est en 94. 94. Ouais. La Game Gear Coca-Cola permet à des très grands collectionneurs de se la péter systématiquement sur tous les lives où ils passent, comme Benzaï, par exemple. C'est quand même un objet de collection. Mais tu ferais la même chose si tu l'avais, monsieur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vilain. C'est vraiment mal me connaître. Vous mentez. Et donc, sur le coup, ça reste une très très belle console. Enfin, voilà, le design, il est super. Hein. Gaming en rouge avec le jeu Coca-Cola. Alors, le jeu lui-même, moi, j'y ai jamais joué. Donc, c'est vrai que je ne vais pas le critiquer. J'y ai jamais joué. Bah, suffit de regarder les vidéos et vous apercevez que le jeu, en fait, il est pas dégueulasse du tout. Que pour une Game Gear, bah, c'est relativement bon, en fait. D'accord. Le jeu a vraiment pas mauvaise réputation, quoi. C'est fait par une petite équipe de Sega qui a l'habitude de bosser pour Sega, qui avait l'habitude de bosser pour Sega à l'époque, qui s'est occupé notamment des Sonic 2, Sonic Chaos, Triple Trouble, ce genre de jeu. Donc, ouais. Ah, il y a qui on doit Legend of Illusion, par contre, ça c'est moins bien, les gars. Ça... Ah, Tales Adventure. Ah ouais, non, j'ai rien dit. Ok. Et ensuite, donc, je vais parler de placement publicitaire un peu plus... on va revenir rapidement, on va en parler quand même du cas FIFA. Il faut savoir que dès le premier FIFA International Soccer, il y avait déjà des publicités pour Adidas. Oui. Et également, il y a une pub pour Panasonic dedans. C'est-à-dire que FIFA International Soccer, on a tendance aujourd'hui un peu à l'oublier. J'en cite facilement ISS à cette époque-là, mais FIFA International Soccer a vraiment révolutionné à la fois les jeux de sport, les jeux de foot et la façon de concevoir les jeux et tout ce genre de choses. Enfin, vraiment, il y a vraiment des équipes déjà. Voilà, le vrai nombre des équipes, de la rachat de licence, le système de jeu qui était très bien à l'époque. Et ce qui va asseoir la réputation d'Electronic Arts, c'est savoir le fait de sortir un jeu tous les ans, s'appuyer donc sur des grosses pubs, des supports publicitaires, parce qu'évidemment, il fallait raquer les licences pour avoir les vrais noms. Oui. Donc c'était un tout, voilà. Et donc FIFA, dès le tout premier épisode, en fait, Electronic Arts avait vachement bien établi sa stratégie et ils savaient vraiment où ils allaient. Si je trouve ça très intéressant aujourd'hui de se dire que ça s'est trop fait au fur et à mesure, que vraiment... joué au premier FIFA, parce que j'ai toujours aimé les jeux de foot, effectivement, ils savaient très bien y faire pour le vendre. Voilà. Que vraiment, quand Electronic Arts sont FIFA International Soccer... Effectivement, au niveau des cages, en fait, tu as les gros logos Panasonic, si je me souviens. Mais là où c'est entre guillemets presque du génie, c'est qu'en plus, bah, ça apporte une dimension crédible au jeu. Mais c'est pour ça que tu diras jamais rien au niveau de la pub. Tu te plaindras pas parce que c'est tellement ancré dans le sport, le sponsor, que ça passe. C'est-à-dire que limite même, tu vas voir le logo Panasonic, tu vas dire « Ah putain, c'est un jeu, ils ont mis les moyens, quoi. Il y a même le vrai logo du truc et tout. C'est super vicieux comme truc. C'est du génie parce que tu peux pas gueuler sur le jeu parce qu'ils reprennent exactement ce que tu vois à la télé. Ah ouais, c'est incroyable, quoi. Et eux, ils l'ont très bien compris. Ils l'ont très bien compris pour ça. Après, ils ont poussé le potard très très très très loin. Hein. Oui. Mais ils l'ont bien compris. Electronic Arts, les loot box, tout ça. Voilà, très très loin. Et je pourrais... Non, je voulais juste savoir si on pouvait rester dans l'année 94. Vas-y. Je t'en prie. Parce que le Japon aussi est très très fort pour ce qui est de faire de placement de produits et des jeux publicitaires. Et en 94, Super Famicom, il y en a un qui est sorti et moi qui m'a toujours fait rire. Vous connaissez tous ici les Cup Noodles de Nissin. Oui. Ah. Ben, il y a un jeu. Il y a un jeu qui s'appelle UFO Kamen Yaki Soban, qui est un super-héros, Nissin, et qui est là pour tuer des extraterrestres en forme de cup noodle et des yakuza. Donc, quoi voilà. Ouais, non, mais véritablement, et en plus... Est-ce que les yakuza sont en forme de cup noodle aussi? Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Michael Tomioka, l'acteur qui joue, ben, il joue dans une série de pubs, et à partir de ça, ben, ils ont fait un jeu. Est-ce que c'est pire que le jeu Segata Sanshiro sur Saturn? Non, c'est relativement correct. Après, comme d'habitude, ils ont fait un film et la chanson thème du film, c'est Hironobu Kageyama qui la chante. Je sais pas, vous savez qui c'est Hironobu Kageyama? Non. C'est le chanteur de DBZ. Ah! Voilà. D'accord. Donc voilà, donc c'est un jeu où vous pouvez jouer à UFO Kamen Yaki Soban. Et... Parce que pour moi, Dragon Ball Z, c'est Ariane qui chante. Désolé. D'accord, ok. Et donc, un jeu Nissin, Japon, avec des cup noodles. Il faut vraiment que j'essaie ça parce que mon amour pour les cup noodles va ressortir. Si je puis dire. Non, mais en plus, regarde juste la dégaine du perso principal. C'est fabuleux. Et donc, tu veux dire que 53 ans avant Final Fantasy XV? Oui. Ah oui! Ouais. On se rappelle donc que Nissin a fait un partenariat avec FF15 au cas où vous n'auriez pas joué au jeu. Oui. Dans FF15, on peut manger des Cup Noodles. Ouais. Il y a même une quête liée aux Cup Noodles. Voilà. Retour en France. Si vous le permettez, on va quand même en parler. Et pour ça, Dani, c'est ça. Je vais mettre l'exemplaire d'Antistar signé par le compositeur de la musique du jeu parce que je trouve que c'est très important. Qui a fait les compos de ce jeu d'ailleurs? C'est David de Bretola. Putain, je l'avais oublié. C'est David de Bretola. On va donc la petite anecdote de mon ami Antistar qui se trouve donc devant David Cage pour la présentation de Détroit et donc qui se démonte pas devant David Cage et qui se dit la seule chose que j'ai envie de lui demander c'est de signer l'exemplaire de Super Dani dont il a fait la musique. Alors Super Dani, qu'est-ce que c'est? David Cage a fait de la musique de jeux vidéo, faut jamais l'oublier. Ah, il a fait Time Cop aussi. Cage, il aurait peut-être dû rester d'ailleurs la musique de jeux vidéo, un peu comme il y en a qui ferait mieux de rester au chara design plutôt qu'à la réalisation. Excuse-moi, mais t'as déjà écouté les musiques de Time Cop? Non. Non, j'avoue que dans Time Cop, il faut pas y jouer. N'y jouez pas à Time Cop, personne, jamais. J'ai joué à Time Cop, je me rappelle même pas. J'ai envie de te mettre un lien, mais non, finalement, je préfère que tu découvres ça par toi-même. Hein. Je pense que c'est partie des pires bandes-sons de la Super NES. Rapidement, un petit mot sur Super Dani. Donc, c'est un jeu sorti exclusivement en France sur Super Nintendo en janvier 1995, qui est développé par une firme française, Cryo Interactive, et qui sert évidemment de support publicitaire au Super Dani, les fameux Dani, les fameux... N'oubliez pas, Norbert mange un Dani. Norbert mange un Dani, c'est un mieux. La pub, elle nous a matrixé. C'est des flans. Voilà. C'était du flan cette histoire, t'as raison. En tout cas, voilà, je veux dire une chose, quelque chose que l'assistante n'aime pas, c'est sûr. Voilà. Quoi, les flans, ce qu'elle dit. Les Mais c'est dégueulasse, elle a raison. Et donc voilà, donc ça donne un jeu de plateforme qui est relativement mais et quelconque. Oh putain, mais... il est pas bien. Voilà, c'est. On parle toujours de. Tu sais, chez Nintendo, il y avait le Seal of Quality, faisait pas n'importe quoi. Si, des fois, si. Ah non, mais après, il faut jouez-y comme d'habitude, hein, essayez d'y jouer, mais je pense que vous allez passer un sale moment. Hein. Je pense que même financièrement, c'est un truc assez fou parce que c'est un jeu qui est sorti quand même de manière très limitée à l'époque, mais qui ne doit pas valoir grand-chose parce que tout le monde s'en. Ouais, mais ce qui est dingue, c'est limité, mais avec de la pub à foison, quoi. C'est ça qui est dingue. Le jeu, il a été pubé, quoi. C'est un jeu qui vaut 15 balles en loose, quoi. Il vaut pas plus. Hein. Moi, je l'avais acheté pour 1 ou 2 euros et je savais même pas ce que c'était en fait. Si on vous le vend à 15 euros, refusez. Hein. aller acheter des autres flancs, hein, des flancs. Non, ce que tu dis, c'est que tu dis à la personne, je garde mes camps zéro et tu me donnes ton jeu. Voilà. Ou alors tu dis à la personne, tu me donnes 15 euros et le jeu, j'accepte d'y jouer. Bon, tu mets la console et puis tu l'éteins après, c'est bon quoi. Les jeux de voiture, on en parlera après parce que je pense qu'on va en parler. On en parlera parce que j'avais même pas prévu d'en parler en fait parce que j'avais même pas pensé. Je dois avoir une anecdote bien particulière sur un placement produit pub. Ah bah si tu veux, là, avant de passer justement, parce que là je voulais aller à la transition vers justement les consoles 32 bits et tout ça, parce que c'est déjà quand même 22h. J'avais un jeu, moi encore. Attention, Pelle, un jeu. Vas-y, Pelle. Ouais. Un truc. Alors, merci Pelle pour ton intervention, donc on peut commencer à la suite maintenant. Désagréable. Salaud. Donc en fait, non, mais on en avait déjà parlé en plus, c'était à propos de Biker Mice from Mars. Ah oui. Voilà. Oh, et là, il y a une particularité, c'est qu'en fait, dans tous les pays du monde, il n'y a rien, il n'y a pas de publicité, mais sauf chez nous, la version pâle, figure-toi qu'elle est bourrée de publicité pour les sneakers. Voilà. Ah, effectivement, ouais. Et Biker Mice from Mars, c'est un jeu qui est cool. Oui, c'est comme un jeu, c'est très proche de Rock'n'Roll Racing, en fait. Hein. Et qui est presque un... Ouais. Non, j'allais dire... Et graphiquement, il est super joli, quoi. Ouais. J'allais dire qu'il est en soi un jeu publicitaire pour le dessin animé, hein. Ouais, aussi, oui. Clairement, hein. Et par contre, pareil, je le redis un petit peu comme je l'ai dit un peu plus tôt pour McDonald's Treasure Land, la version PAL, elle va pas trop vous faire plaisir, tarifairement, malheureusement. Donc jouez-y plutôt en émulation. Mais c'est un jeu cool, hein. C'est un jeu Konami, c'est ça ? Oui, c'est un jeu Konami, mais c'est surtout que en plus, les sprites sont assez gros, tu vois, ils sont sur leur moto. Donc c'est vraiment un jeu de course en 3D isométrique. Mais c'est vraiment très chouette, hein. Techniquement, il est super beau, quoi. Ouais. Non, mais les jeux Barbie et Brinator, on peut pas en parler, on va mourir autrement. Même si dans l'absolu, ça rentre dans le cadre. Bah, il y a plein de jeux. Hein, mais en plus, ils ont été cités par le chat, hein, mais il y avait des jeux aussi pour les. Bah, pour des marques, mais plus artistes, tu vois. Il y avait le jeu Aerosmith, le jeu. Est-ce que tu veux pire ? Il y a un truc que vous avez jamais. Des jeux chaque fou, des jeux machin. Chaos City, comme je disais dans le chat, c'est encore plus pernicieux, parce que non seulement c'est une pub pour Jordan. Mais dans la pub, parce qu'ils font le jeu pour Jordan et ensuite ils mettent Gatorade aussi dedans. Je trouvais ça bizarre que le jeu Biker Mice from Mars soit que pour la version PAL qui est que des publicités pour sneakers. Il faudrait savoir pourquoi chez nous ce partenariat est fait, parce que oui, c'est bizarre. Ouais. Mais voilà, c'est le cas. Donc je suppose que. Ça doit être une version assez recherchée, quoi, j'imagine. Je vais vous tuer et à la fois vous faire rire. Vous parlez de Chaque Fou. Connaissez un jeu sur arcade pire que Chaque Fou ? Pit Fighter ? Non, pire. Ah, Pit Fighter, c'est de la merde. Est-ce que c'est Ouais, quand même. Pit Fighter, c'est pas mal. C'est sorti après Pit Fighter avec un personnage que vous connaissez tous, j'en suis persuadé. On parlait de Kaneko tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait beaucoup de jeux publicitaires, alors, beaucoup de merde. The Kung Fu Master Jackie Chan. Qui connaît ce truc ? Oh putain, mais oui. Alors, au niveau du gameplay, de la présentation du jeu, c'est un clone de Mortal Kombat qui se joue un peu comme un Fatal Fury, mais c'est de la merde en barquette. À savoir que les personnages peuvent faire des fatalités, tous, sauf Jackie Chan, tu vas dire super, c'est Jackie. Et en plus, Jackie, tu as 4 ou 5 versions de Jackie dans le jeu. En fait, c'est 95, non ? Ah oui, 95, effectivement. Mais juste en arcade, il n'y a jamais eu d'adaptation. Effectivement. À savoir que tu as 2 versions arcade, tu as une première version, et tu as une suite qui s'appelle Jackie Chan The Fist of Fire. Le sous-titre Jackie Chan descend dessus. Voilà. Et la suite de Kung Fu Master Jackie Chan, à savoir Jackie Chan et Fist of Fire, dans celui-là, je crois que tu as effectivement les 4 ou 5 versions de Jackie. Et c'est la merde en boîte. J'y ai joué une fois parce que j'ai vu le nom, tu Jackie Chan, pourquoi pas. Et puis, moi, j'étais resté, comme le dit Brinator, sur le Jackie Chan Action Kung Fu de la NES et de la PC Engine. Donc, je m'étais dit, ah, oh, qui une version arcade de ça. Il a dit banco. Puis, quand en fait, j'ai chargé le jeu, je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde. Et il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui j'avais vu faire une vidéo là-dessus. Et ça m'avait fait beaucoup. Ah, mais ça y est, je me demandais pourquoi je connaissais Kaneko, c'est eux, Galspanic. Bon, parlons d'autre chose. Galspanic, oui, bah, je l'avais mentionné tout à l'heure, je crois. Enfin, bref. D'accord. Non, je connais pas Galspanic. Et donc, on arrive tranquillement aux 32 bits. Alors, avant de citer des choses un peu évidentes, moi, je veux juste rapidement parler d'un petit jeu qui est absolument pas connu du tout. C'est un jeu d'un éditeur, d'un développeur qui a gagné ses galons grâce à des Manic Shooters et qui a fait pourtant d'autres choses dans des jeux Saturn. J'en ai déjà peut-être parlé, je vais en reparler un petit coup, je mets le lien, c'est Garetro. C'est le jeu Delice Oba Deluxe sur Saturn qui est fait par Cave, quand même. Ah bah oui. Oui. Alors Delice Oba Deluxe, c'est quoi Delice Oba Deluxe, c'est un jeu totalement promotionnel qui hors commerce. Qui vous propose, donc par rapport à un show japonais, de jouer un livreur de soba. Wow. Ne cherchez même pas à l'acquérir, c'est indécent. Là, on passe les 4 chiffres. Voilà. Et... on n'est même plus dans les 3 chiffres, on est dans les 4. Mais par contre, il existe plein de façons de jouer à ce jeu. Et n'hésitez pas à télécharger ça et l'essayer avec un émulateur ou l'essayer même sur votre vraie console. Hein. C'est voilà, c'est très rigolo. C'est absolument introuvable, c'est ultra obscur, mais c'est fait par Kaiva. Voilà. Tant qu'on en est, par contre, on est techniquement pas vraiment sur de la 32 bits. Ouais. Alors comment décrire ce jeu? Doom, on connaît. Mais qu'est-ce qu'un... J'allais en parler, mais bah vas-y, fais-toi plaisir. Shex Quest, c'est ça? Ouais, fais-toi plaisir, parce que... Ah bah non, vas-y, vas-y. Ah bah non, vas-y, bah, c'est ton moment. En fait, j'ai découvert ça, je sais plus qui dans mon chat, il y a quelques mois, en disant « Ah, t'as déjà joué à ça ?» Et j'avais vu une vidéo de l'Angry Video Gamer, je me suis dit « Tiens, ça peut être rigolo. » Et je l'ai testé il y a quelques jours. Donc c'est un FPS non-violent fait avec le moteur de Doom, qui était distribué dans des boîtes de céréales. Menteur. Eh ben écoute, et c'est plutôt pas de la merde. Bah il est pas mauvais le jeu. Oui. Et en plus de ça, en fait, le jeu, il a une communauté de fans hardcore qui jouent à ce jeu depuis genre très longtemps, qui font des mods et des suites. Et c'est totalement dingue. Et bah oui, parce que la communauté Doom, en fait, est très active. Et ce jeu, c'est un Doom-like. C'est même... enfin, c'est plus qu'un Doom-like en vrai. Et le jeu est bon. Et moi, je vais vous donner l'info. Petite cerise sur le gâteau. Le jeu, un remake HD, disponible gratuitement sur Steam. Voilà. J'allais en parler, mais tu m'as devancé. Je te remercie. Et voilà, c'est totalement dingue. En fait, et c'est marrant parce qu'en fait, ils disent que le jeu, en fait, voilà, aurait eu un budget de $500,000. $500,000 pour un hack. Enfin, un hack. Pour un jeu fait avec le moteur de Doom 1. C'est totalement dingue. Ouais, c'est, oui, j'ai dit un hack, c'est passé. Oui, t'as raison. C'est plus. Bon, c'est plus le Doom Engine. Mais c'est totalement dingue, en fait. J'ai découvert ça. Je sais plus qui dans mon chat. À mon avis, c'est soit Ibrinator, soit Dadjevka. C'est l'un des deux, je suppose. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai entendu parler de ça. C'était la VGL qui avait fait une vidéo. Pourquoi pas, je vais essayer. Et j'ai joué il y a quelques jours. Parce que j'ai un pote qui est venu, il m'a dit, tiens, t'as pas montré ton IBM PC dans lequel tu as mis autre chose dedans. Je dis, bah tiens, du coup je l'ai allumé, je dis tiens, c'est vrai, il y a ça, j'y ai pas joué encore, et j'ai testé ça pendant quelques heures, et c'est vraiment pas de la merde. Si vous avez l'occasion, voilà, c'est totalement improbable et c'est plutôt pas mal, hein. Okay. C'est quand même assez officiel au final, quand même. C'est totalement officiel. Ouais. Ah bah carrément, hein, carrément. C'est basé totalement sur le moteur en fait de Doom 1 qui s'appelle le ID Tech 1 ou Doom Engine. C'est le Doom Engine, le premier moteur de... Ouais. Ouais. Donc c'est totalement un truc non seulement officiel et en plus assumé, quoi. En plus apparemment il y aurait pas mal de blagues dedans qui sont en rapport avec Doom, si je me souviens bien. Je ne sais plus exactement ce que j'avais vu, mais tu dis, tiens, c'est totalement débile. Enfin bon, c'est... Voilà. Et on retrouve totalement le même HUD, le même style de HUD qu'il y a dans Doom, tu vois, avec la barre de santé et tout machin. À la place du Doom Guy, en fait, tu as totalement le... Comment dire, une représentation en pixel de la céréale que tu trouves normalement dans... que tu devrais monter sortir manger, qui paraîtrait-il est dégueulasse, mais bon, enfin bref. Donc voilà, Chex Quest, c'est... Voilà. Je te l'ai mentionné, ça me faisait beaucoup rire. Hein. Très bien. Bon, surtout, moi, je vais parler rapidement d'un jeu que tout le monde connaît, et donc sur le coup, on va revenir au Japon, et on va... sur le coup, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Est-ce que la collection, et est-ce que des fois, les collectionneurs et les joueurs font s'emballer certaines... cote de jeu de manière totalement disproportionnée sans qu'on comprenne vraiment comment on a fini par en arriver là. On va parler du fameux Pepsi Man sur PlayStation 1. Ah bah, oh putain. Ah oui. Oh putain. On salue d'ailleurs Pseudoless. C'est ce que j'ai dit. Ce Pepsi Man reste quand même son jeu de la vie. Et c'est lui qui me l'a fait découvrir, moi, personnellement. Je ne connaissais pas avant. Je pense qu'il nous a tous fait découvrir ce jeu. Ah oui. Et le truc avec Pepsi Man, c'est que voilà, il y a quoi, 5 ans en arrière, personne se souciait du jeu, il valait pas trop grand chose. Il a tellement explosé que maintenant, c'est indécent, c'est inaccessible. Ah oui, il vaut à 3 chiffres maintenant, c'est un truc de fou. Mais ce qui est hallucinant, c'est que c'est un runner de merde. Ouais. Avec de la pub pour Pepsi entre les deux. Mais voilà, c'est ça. C'est... En fait, à partir du moment où Pepsi, au Pseudoless en a parlé, le jeu a pris de la valeur. C'est comme ça. C'est Pseudoless influenceur. Alors, je pense pas que ce soit vraiment lui, mais par contre, je sais pas ce qu'il y a à ça. Il est passé peut-être dans une GDQ. On a commencé à le voir dans les GDQ, dans les c'est ça. Partout le jeu. T'as une vidéo aussi, comme l'Angry Video Game Nerd encore, hein, je crois, il y a quelques temps. Hein. Et donc aujourd'hui, pour un Pepsi Man, c'est 100 balles. Voilà. Non, parce que on le trouve à 100 balles au minimum. Vous vous rendez compte que même un simple Jungle Run sur mobile est 100 fois mieux que Pepsi Man. C'est pas un sale jeu, Pepsi Man. En vrai. C'est génial. Hein. Bah, si t'enlèves la skin Pepsi et les pubs totalement cringe entre les niveaux, ça reste un runner bas de gamme. Ouais, vraiment. C'est pas fabuleux, c'est pas très maniable, c'est pas dingue. Mmh. Hein. Voilà. Ouais. Et on parle de Pepsi Man, n'oubliez pas qu'il apparaît aussi dans Fighting Vipers, en perso caché. Oui, c'est vrai. Se cacher au Japon uniquement, pas sur la version européenne. N'essayez pas sur la version européenne au Japon. Voilà, non, mais c'est des pauvres. Okay. Et donc, sur le coup, puisque Ibinator en a parlé, on peut parler effectivement des jeux de voitures et le fait que effectivement les grandes marques de voitures ont très souvent eu des jeux à leur marque. Donc, tu parlais de Jaguar, c'est Jaguar XJ220 qui était sorti notamment sur Mega CD à l'époque. Il y avait le Lotus Turbo Challenge qui était dispo sur Mega Drive et micro-ordinateur. Bah, t'avais les jeux Ferrari. Le F355 Challenge aussi. Voilà. Le fameux F365 tiré de l'arcade, donc qui était cette fameuse bande d'arcade avec 3 écrans où on pouvait voir autour de nous. C'était 3 parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer. Ah oui, parce que 2, en vrai 2, en vrai 2, c'est chiant. Hein. J'ai joué aussi, mais je me souviens plus. C'était 3, t'avais vraiment le devant et les deux côtés autour de toi. La borne, elle était dingue. Et je voudrais moi revenir sur un jeu, parce qu'après Need for Speed, ça fera un peu une spécialité de ça. Il y a un jeu sur PS1 auquel j'ai joué des heures, que j'ai adoré, et je ne l'ai jamais dit, donc là, je l'avoue au monde entier. J'ai passé des heures sur Porsche Challenge. D'accord, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de Porsche Challenge sur PS1? Non. Non. Bah, si. Et c'était... Ah. Avec qui j'en parlais, mais c'était un jeu assez joli, ça, en plus. C'est un jeu qui a eu son petit succès à l'époque. Et j'ai adoré ce jeu. C'est un jeu exclusif à la PS1 qui vous permettait de manier une Porsche Boxster, je vais arriver à le dire. Je déteste les jeux de voiture, mais je vois ce que c'est comme voiture. Tu vois ça, c'est là, je vois. Et bah, figure-toi que j'avais, il était jouable dans un CD démo, et je me rappelle. Alors, les jeux de voiture, moi j'aimais pas ça, mais je le faisais tourner et je me rappelle très bien que le jeu, les voitures étaient super jolies, modélisées, un truc de vraiment bien. Et c'est l'équipe qui développera donc Rapid Racer, qui était un jeu de course nautique, qui développera The Getaway aussi un peu plus tard. Ah, c'est un jeu de mafieux, ça. C'est ça. notre fameuse Team Soul. Enfin, voilà. Et donc, sur le coup, c'était moi, ce jeu, j'y ai joué. Il y avait des chiats de code en plus pour passer en mode fisheye, mettre des couleurs complètement tordues, avoir un mode turbo pour que le jeu aille beaucoup trop vite. Enfin, bref, j'ai passé des heures sur ce Porsche Challenge que j'avais acheté, mais genre complètement au pif et que j'ai adoré. Voilà. Bah, si on parle de pub dans les jeux de voiture, je pense que là, la pub dont je vous parlais, je pense qu'on n'aura jamais poussé le potard aussi loin en termes d'utilisation de la pub dans le média jeu vidéo. Si je vous dis, vous connaissez Burnout Paradise, c'est un peu moins du rétro. Voilà. Et une certaine personne s'est servi des panneaux publicitaires dans Burnout Paradise pour faire sa pub. À votre avis, qui c'est ? Je le sais, donc je suis autre devine. Moi, je sais aussi. Bah, Barack Obama. Ouais. Il a pour sa campagne présidentielle, sa campagne présidentielle des panneaux de Burnout Paradise pour dire votez pour moi. Je pense qu'en termes de d'utilisation ultime de la pub dans un jeu vidéo, je crois que là on peut pas faire. Mais genre les jeux vidéo, c'est pas de la politique, je vous rappelle. Avec des Yes You Can en bloc. Non, mais la pub, attends que je l'ai sous les yeux. T'as vraiment Early Voting has begun. Vote for Change. Si tu peux tweeter, si tu arrives à avoir un lien. Si tu tweetais, mettre sur Twitch. Mais effectivement, donc, il s'agit donc de... ne cherchez plus, ça n'existe plus. Évidemment, le jeu a été... c'était du contenu rajouté sur la version nord-américaine du Billy jeu Mitchell. Disponible aujourd'hui. Mais non, mais il m'a tué, jamais de bol. Je vous mets un lien Next Impact. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. C'est... Mais, non, mais je pensais qu'il y aurait eu le son slogan Yes You Can, quoi, t'imagines ? Non, mais rien que ça, il n'y a personne qui a pensé à faire ça dans un jeu vidéo. Quoi. C'est vraiment. Ah non. Là, c'est vrai. Alors, justement, Pelle, ce que tu dis, c'est. Mais parce que je crois que c'était. Il y avait un truc juridique. Sur le panneau, il ne dit pas voter pour moi, tu vois. Il dit allez voter. Et c'est pour ça qu'il a pu. T'as earlychange.com, t'as un site particulier, voilà. Il va diriger les gens. Voilà. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça. Je suis pas sûr. Je dis peut-être une connerie, hein, mais. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais. Mais bon, ouais, je trouve qu'en termes de pub, c'est vraiment le truc le plus ultime que tu puisses faire pour voter, quoi. C'est dingue. Donc voilà, fin de la parenthèse. Ok, non, c'est super. Oui, non, mais si, voilà, c'est l'anecdote, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment super cool. Enfin, c'est vraiment, oui, comme tu dis, c'est pousser le bouchon à fond et voir. C'est être capable de servir du média, d'un très très gros média, pour faire passer son message, quoi. Dans lequel tu vas pas penser nécessairement à le faire. Ouais. T'imagines Macron dans Doom Eternal ? Non, Macron, il serait dans Animal Crossing. Non, je l'imagine bien, tu vois, réincarné en démon. Et quand tu approches, le démon écrit « Parce que c'est notre projet !» Puis tu dis, vous ne savez pas, Macron, c'est Tom Nook. Je vous ai dit ça, on peut passer à autre chose. Ah bah parfait. Et donc, je vais, parce qu'on va attendre donc son coup, c'est 22h55. Si on veut que moi raconte son jeu, après avoir terminé, je voudrais. Non, prenez votre temps, prenez votre temps. Je voudrais mentionner une série de trois jeux aussi très très peu connus, puisqu'en l'occurrence, sont exclusifs en Amérique du Nord. C'est une série qui est connue sous le nom King Games, je vais y arriver. Donc il y a Sneak King et il y a Big Bumping, les deux premiers sur Xbox et le troisième sur Xbox 360, qui sont des jeux qui ont été distribués en Amérique du Nord et produits, financés par Burger King. Si, alors je vais te dire un truc, si tu veux réveiller un PTSD à Canon, tu lui parles de Sneak King. Ah. Je crois que c'est le jeu qui a eu le plus long setup. Depuis que je regarde les GDQ. Et ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire quelque chose. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Le jeu était là, il était affiché, il tournait, il marchait, et il lançait pas la run, et j'ai jamais su pourquoi. Et t'as Canon qui était tout seul, en train de meubler, alors qu'il avait, en plus, vous savez, hein, dans ces blocs-là, il les fait pendant 8 heures d'affilée, donc il a été vraiment au bout de sa vie. Et je sais pas. Voilà. En bref, donc, vas-y, continue. Bon, pour l'anecdote, c'était directement vendu chez Burger King pour 3$ pièce. Et c'est des jeux qui ont été faits par Blitz Game. Alors, Blitz Game, c'est. Attention, hein, on va retrouver du SpongeBob en veux-tu, en voilà. On va retrouver du Bratz, du Pac-Man World 3. Bratz, beaucoup moins. et du notamment bon, Epic Mickey 2 aussi, on le retrouve là-dessus, du Puss in Boots, attention, des grandes licences. Hein. Puss in Boots, c'est pas le chapeauté, ça ? Et c'est à eux qu'on doit Glover sur Nintendo 64. Pardon, je... Ah ! Je défaille. Ah oui, avec le gant qui marche sur deux doigts. Oui, oui, oui, c'est ça, oui. Et en fait, quand tu joues au jeu, il reste plus qu'un doigt, c'est le doigt du milieu. Ouais. Et là, quand j'ai dit Glover, j'ai la chanson Hand in Glove des Smiths dans la tête, mais je suis moi, vieux, tout va bien. Moi, je pense ça, je suis trop vieux pour ces conneries. Ouais. Voilà. Donc, sur le coup, alors c'est dispo. Alors, c'est pas, ça n'a pas une grosse cote du tout, hein, mais il existe des versions apparemment Xbox et Xbox 360 des trois titres. Donc, ça fait 6 titres à collectionner, exclusivement en Amérique du Nord, donc eBay.com, bon courage. Et. Par contre, la qualité des jeux, bah, je ne saurais pas dire. En vrai. Bah, il y en a un qui était dans un bloc Awful, voilà. Donc, dégueulasse. Ça annonce la couleur. Donc, les autres, je ne sais pas après, mais voilà. On parlait des jeux publicitaires bizarres. Est-ce que je peux en parler un qui est sorti au Japon ? Moi, j'en ai encore un peu. Voilà, je pense qu'on va les faire en vrac, comme ça, moi, après. Pour, Prenez votre temps. On parlait de McDonald's. Mais en 2001, sur PS2, McDonald's a fait une opération marketing avec Sony pour sortir ce qui s'appelle le McDonald's Original Happy Disc. What the fuck is that? C'est une galette où dessus tu as une démo de Parappa de Rapport 2. Mon Dieu. Et surtout, un jeu original qui s'appelle Pipo Saru 2001, qui est un rip-off de Parappa de Ape Escape, mais dans un monde McDonald's. Il n'a plus besoin de sauver des singes. Là, tout ce qu'il veut, c'est laver son pantalon. Voilà. Son pantalon sale, il veut le laver. Il se le fait voler. Donc, il doit aspirer le pantalon des singes. Et pour se remettre de la vie, il bouffe du McDo. Si c'était à la place d'un pantalon, un slip, nul doute que Boss Dick joue ça toute la journée. Et ce qui est fabuleux avec cette démo, c'est qu'elle est limitée dans le temps. Donc, tu joues et au bout d'un moment, ça s'arrête et hop, ça recommence. Et c'est sorti qu'au Japon, quoi. Ça n'existe nulle part. Et c'est un truc à pignil. Je suis quoi alors ça ? Jamais entendu parler. C'est... Ah non, mais c'est invraisemblable. On parlait de placement de produits. Bon, il y en a un qui est maintenant très connu. Dans un jeu. Ah, chier, faut quand même le dire. J'avais pris la carotte non, en 2003. Hein. Enfin, même pas 2004, quand je l'avais eu sur PlayStation 2. Qui est Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Où il y a un placement de produit pour une marque de montre, El Famoso Timex. Ouais, à l'époque, je ne faisais pas attention à ça. Oui, mais ils ont pas mis aussi la Seat, la voiture, non ils... Non, le Seat, c'était carrément une pub, en fait, voilà, où Lara prêtait son image. Par contre, un jeu placement de produit, je vais parler d'un truc, Game Boy Advance, quelqu'un qu'on connaît. Bah, mais... ouais. Et surtout, moi, ce jeu m'a marqué. Parce que j'y ai joué un peu. Je l'ai pas eu à l'époque parce que très clairement, j'étais pas la cible de ce truc. D'une fois, chez un pote, mon petit frère avait ça. Et je me souviens, mais Eddie, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais à tous les niveaux. Et je me souviens d'un logo qui était marqué Musi X, M-U-S-Y-X. Ça m'a pas marqué plus que ça. Puis en fait, des années plus tard, en fait, on a tous appris à connaître en fait le compositeur de cette musique. Ah oui. El famoso Xavier Dang, hein, Mister MV, de son état pas civil, de son état internet. Et il n'y a pas longtemps, en fait, je suis retombé sur ce qui était vraiment Musix. C'est un outil de développement qui permettait de faire des musiques pour la Nintendo 64, Game Boy Advance et pas mal d'autres trucs. C'est quand même connu internationalement pour être de la merde en market, Musix. Donc bon, faut pas en vouloir à MV, c'était pas sa faute. C'est surtout, il fallait bien manger, hein. Il y a un moment, voilà. C'était pour moi l'occasion de rappeler une réalité. Non, parce qu'il faut aussi dire que Jack Kaufman a fait pareil. Hein. Voilà, exactement. Par contre, t'as dit le nom du jeu ou pas ? Parce que j'ai pas... Crazy Frog Racer, voilà. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, c'est bim, ça, bim, bim, sur GBA. C'est pour moi l'occasion de rappeler une réalité que surtout, ces jeux sont avant tout ce qu'on appelle des projets alimentaires dans l'industrie. Ouais. Propose un truc et tu le fais parce que t'as besoin de pognon. Et voilà. Et je crois qu'il avait fait un jeu Maya l'abeille aussi. Oui. Alors je créditer aussi, comment dire, aussi directement dans ce jeu Maya l'abeille. Mais... Et il me semble qu'il a fait encore d'autres trucs sur Game Boy Advance, genre des trucs. Oui, mais... Il a dû faire pas mal de choses. C'est à l'époque des jeux allemands sur Game Boy Advance. Je sais pas si vous connaissez ces jeux allemands. Oui. C'est pas très particulier. Je cherche un autre exemple, mais je trouve pas. Bah, Brad, tout à l'heure on en parlait. C'est aussi fait par, c'est aussi publié par, non, développé par Neko Entertainment, qui ont fait un nombre incalculable de bouses sur GBA et sur DS. Et je cherche. ID. MV a pas fait aussi la bande. Enfin bref. J'ai eu une fois l'occasion de tester ces jeux en émulation et c'était vraiment terrible. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le support publicitaire. Non, parce qu'il y en a un que vous avez pas cité, il faut absolument que j'en parle. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah ouais, parce que c'est un jeu PC. Alors, c'est un jeu PC et peut-être GameCube. Je suis pas sûr de moi. Un jeu Skittles. Bien sûr. Alors, le jeu, tu le vois, tu te dis, tu penses pas que c'est un jeu Skittles. Le jeu, il s'appelle Darken Sky. C'est un jeu de rôle. Dans la lignée de quoi ? J'en sais rien. Dans la lignée des jeux de rôle PC des années 90-2000, quoi. Just GameCube, ouais. Et le jeu, ouais, tu vois la jaquette, tu vois machin, tu dis ok, machin, et tu t'aperçois au bout de quelques minutes de jeu hein, que le but, c'est de retrouver les... je sais plus comment ils appellent ça, mais les Skittles magiques, en fait. Et là, tu fais, what the fuck ? Non, mais t'as raison d'en parler, parce qu'ils sont pas les seuls à l'avoir fait, hein. Parce qu'on a le droit à Smarties et à M&M's aussi qui ont fait leur propre. Des jeux M&M's, j'en ai sur PlayStation. Il y a un paquet de jeux M&M's. Ah ouais, ouais. C'est même pas une blague. Moi je connais. Je crois Shell Shock. Ouais, oui. Ben moi je connais le Brick and Mall. Le Brick and Mall sur GBA. Mais il faut savoir et que. Et en Smarties, il y a le Meltdown aussi. Mais, ouais, exact, ouais. Mais, ouais. Mais Darken Sky, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, il est pourri. Mais genre. c'est pourri à un stade que vous imaginez pas. Vous pouvez faire un saut. sauvegarder. Et quand vous rechargez, en fait, votre perso, le jeu, il considère qu'il est encore au sol. Du coup, vous pouvez ressauter. Ressauvegarder. Et puis, bah vous vous barrez quoi. Enfin voilà, c'est un jeu de merde. Mais oui, mais ça reste un jeu qui est typiquement publicitaire avant d'être un jeu quoi. Mais ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que le jeu, tu le vois comme ça, tu te dis, mais c'est pas un jeu publicitaire Skittles quoi. Et ça m'avait choqué. Ça m'avait vraiment choqué. Bah celui-là, en termes de collection, ça vaut quoi? ne vous y attardez pas. Voilà, euro. TTC. On va essayer de regarder, tiens, voir ce que ça vaut. En attendant. Ok. On met sur le coup quelqu'un d'autre un jeu ajouté dont il a pas parlé. Non, mais en vrai, ça coûte que dalle. Je vois ici Darken Sky pour la version PC, hein, 9, 3,94€. Oui, bah. En version GameCube entre 15 et 30 balles. Donc, ouais, version GameCube, quand même un peu. Bah, on parlait de Captain Novoline, mais il me semble que sur Super NES, t'as aussi le jeu contre le cancer, non? Oui, ah, c'est quoi ce nom? Oui, attends, je vais te chercher ça, je viens juste d'y penser, mais t'as un jeu où tu dois aller... Ah, Mein Gott. Ah, je cherche le nom de ce jeu. Bouter le cancer hors du corps de quelqu'un. Oui, oui, ah, zut. Non, j'avoue que même moi, le nom m'échappe, mais je vois tout à fait... Ouais, je vais le trouver. Je vais le trouver, vous inquiétez pas. Hein. Et donc, oui, tout ça pour dire, le support publicitaire donc, a toujours existé dans les jeux. Les choses évoluent, puisque donc maintenant, on peut avoir donc, des supports publicitaires, comme elle a dit, dynamiques, entre guillemets, où vous pouvez donc avoir des pubs. Rex Ronan. C'est ça, c'est Rex Ronan, oui. Voilà. Rex Ronan. Ça, j'ai mis plein. J'ai mis trop longtemps à le trouver. Désolé. Et non, pas de soucis. Et donc oui, le jeu peut aujourd'hui évoluer au gré des mises à jour pour ajouter ou enlever des pubs. Après voilà, on a donc j'en ai parlé en début d'émission, c'est pour ça qu'on arrive là aujourd'hui. Je pense que le dernier scandale, on va pas parler scandale, on va dire la dernière chose qui a retourné les joueurs en date, c'est vraiment le Doritos le Monster. Le Doritos Gate. Ah oui. Non, je pensais vraiment du. Ou voilà, la canette de Monster dans Death Stranding, Ou alors là, par contre, on a aucune subtilité, quoi. Genre le truc, il est en premier plan, en gros plan, tu vois que ça, tu mets les gars. Je savais même pas qu'il y avait t'es obligé de voir Monster en face. Hein. Ouais. Et donc, sachez quand même que dans Death Stranding, il existe une quête secondaire qui vous permet de remplacer définitivement ces canettes par une autre boisson inventée de toutes pièces dans le jeu. Donc, ouais. Si vous en avez marre de les voir, jouez un peu plus longtemps, ça disparaît. Je suis pas sûr que les gens ils aient véritablement envie de pousser aussi loin. Hein. Si ça les énerve, je pense qu'ils arrêteront avant. Aussi, je pense, ça me fait penser aussi, Beyond, ouais. Alors je sais pas si on est encore dans le registre publicitaire, mais je pense que oui, à des choses beaucoup plus récentes, avec par exemple, bah là, ce qu'on a appris que Sting et Shaggy allaient chanter là, dans Animal Crossing, tu sais, pour présenter le nouvel album. Tu vois, c'est, on est clairement dans le registre publicitaire. Bah... Un rappeur qui a fait un concert sur Fortnite aussi. D'ailleurs, le prochain Nolan sur Fortnite, ouais, j'ai fait deux pardons. Qu'est-ce qui se passe? C'est Travis Scott. Ouais. Ben là, disons qu'on s'éloigne du concept qui est juste de dire une marque finance vraiment un développeur pour faire un jeu vidéo. Là, aujourd'hui, donc tout. Pardon. Tout est ensemble, c'est-à-dire qu'on peut avoir des marques qui financent, on peut avoir des apports d'argent pour placer de la publicité. On peut. Bonsoir, Yudo. Et on peut on a tous les schémas possibles et imaginables maintenant, et même dans la plupart des jeux réalistes entre guillemets, que ce soit les jeux de voiture, les jeux de foot, les jeux de sport, les jeux en général, qui est des marques publicitaires sur le bord de la route, tout le monde s'en fiche éperdument aujourd'hui, c'est normal quoi. Enfin, c'est ancré dans les mœurs. C'est notre vie, c'est notre vie qui est reproduite en jeu, et donc c'est normal que ces trucs soient là. Après, évidemment. Oui. On n'a pas encore dans du Horizon ou dans du God of War, on n'a pas encore de panneaux publicitaires. J'espère qu'on n'en viendra pas là. Hein. Ça viendra à terme. Mais malheureusement. C'est pas impossible hein, que ça vienne, hein, c'est vrai. Hein. Mais bon. Mais je ne vois pas dans des God of War, je doute quand même. Je dis rien. Bah, je ne finis pas cette office, phrase. Les offices du tourisme pourraient s'en servir. Hein. Et ça resterait de la pub. Hein. Pour aller visiter le Valhalla. Bah non, mais tu sais très bien qu'ils sont capables. Sur le coup, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu tout ce qu'on voulait dire. Il est un peu plus de 23h. Je veux placer un dernier mot on a oublié un jeu qui s'appelle Def Jam, Fight for New York. Parce qu'il ne faut jamais oublier hein, Def Jam. C'est un plus gros label de musique qui ait jamais existé. On n'a pas parlé aussi de Michael Jordan, Chaos in the Windy City. Si on en a parlé. Encore une fois, comme toujours, je pense qu'on ne peut pas être exhaustif et on a forcément passé. Cité le chat, a cité aussi un peu plus tôt le fameux Adidas Power Soccer. Monument. The Mission. Super NES, sur PS1. PS1, où tu pouvais défoncer les joueurs. Oui, avec le tir Predator. Ah oui. Patator, comme j'appelais ça. Predator, qui est le nom de la chaussure, en fait. Oui. Parce que moi, ça me fait humour. J'appelais ça Patator, parce que Patator, c'était le surnom de Jean-Pierre Papin. Patator. J'espère qu'on vous a donné, en tout cas, un joli tour d'horizon, qu'on vous aura fait découvrir. Moi, j'ai entendu parler de jeux que je ne connaissais pas ce soir. J'espère que c'est le cas aussi, qu'on a pu faire découvrir des choses un peu plus obscures ou pas très connues. Et on va laisser la parole à monsieur, à moi, qui va nous raconter un jeu. Il est 23h10, là, c'est fini, il non 23h09. Ouais. Non, c'est pas fini. Tu fais une pelle, là. Il fait beau aujourd'hui, hein, vous avez vu c'est, Et regardez derrière vous. Regardez un truc. Moi, va tenter un exercice de style. Il va nous raconter un jeu uniquement sur le souvenir qu'il en a. Ça va être fabuleux. Spoiler, je n'ai pas fini ce jeu. Non, donc on est en. Alors, c'est. On est genre en. 99-2000. Bon, le jeu, il devait être en développement depuis bien avant. Et. Sony se rend compte que sur sa petite console qui monte, la PlayStation, il y a pas mal de RPG. C'est un genre qui marche plutôt pas mal. Et Sony se dit, bah tiens, ce serait pas mal finalement, on a une console, faudrait peut-être qu'on fasse nous nos propres jeux dessus. Oh Seigneur. Et ils mettent sur pied une équipe, et alors là je l'ai appris en préparant cette chronique bien sûr, donc en fait c'est écrit au dos de la jaquette. Non, j'ai bricolé 2-3 trucs pendant le podcast. Non, ils ont mis sur pied une équipe, et alors tenez-vous bien, d'une centaine de personnes, on est sur PlayStation, hein, une équipe d'une centaine de personnes pour faire un RPG. Bah, c'est pas mal, ça. Eh bah, c'est plutôt un truc c'était de c'était pas le RPG concurrent de FF8 ? C'était... Oui. Non. Alors, je pense qu'à l'époque où ils l'ont créé, il aurait peut-être été concurrent de FF8 dans leur tête, mais il se trouve qu'il s'est bouffé en pleine gueule Final Fantasy IX, qui est sorti genre un mois avant, tu vois. Enfin, un truc... un choc de... C'était David contre du Goliath, mais à la fin, c'est Goliath qui a quand même gagné, quoi. Donc, ouais. Ils ont créé un RPG qui s'appelle The Legend of Dragoon. Oh, Seigneur. Et pourquoi Seigneur ? Bah, Seigneur. Je déteste. Mais vraiment. Et ben moi, je vais en dire... J'avais trouvé que c'était un bon jeu, mais bon, après... Je vais en dire du bien, donc voilà. Oh, mais tu peux. Alors, c'est ton jeu, donc vas-y. Pourquoi ? Bah, c'est mon jeu. Bah alors oui, c'est mon jeu, je l'ai dans la main, là. Pourquoi je vais en dire du bien ? Parce que le jeu... Bah déjà, déjà j'ai de la sympathie pour lui parce que il est quand même sorti en même temps qu'FF9. Et t'as un RPG sur PlayStation qui sort en même temps qu'FF9. Notamment, par exemple, en Europe, ce jeu, je suis certain, il n'y a pas grand monde qu'on a entendu parler presque, hein, on va pas se mentir. J'ai oublié qu'il a eu une sortie quand même très très bien faite parce qu'il y avait des pubs à la télé. Hein. Ils ont mis la max. Hein. Je te dis, quand tu développes un jeu, il y a eu plus de 3 ans de développement et avec 100 personnes, je peux te dire qu'ils avaient envie de le vendre, leur jeu, quand même. Parce que ouais, moi je l'avais, mais j'avais version US. J'avais une version US. D'accord, moi je l'avais donc en version européenne parce que, en fait, c'était une époque où j'avais découvert les FF, donc je découvrais les RPG littéralement, en fait, et j'aimais bien. Et je me suis dit, ça, ils disent que c'est un RPG. J'ai regardé derrière la jaquette, ils disaient « Oh là là, ça va être trop bien !» Je me suis dit « Bon, ça va être trop bien alors !» Donc je l'ai acheté. L'influence. Bah oui, j'avais quoi ? J'avais dit « Je sais pas, j'en sais rien, 12 ans, un truc comme ça, enfin bref. Ouais. » Mais il se trouve que le jeu, il est en 4 CD, c'est un RPG, et le système de combat, en fait, il est trop bien. Je déteste, je hais ce système de combat. Mais moi, je l'aime pas. Le système de combat, je le trouve trop bien. Quand vous attaquez, vos personnages, en fait, donc vous sélectionnez l'attaque, et là, il y a Tu t'es arrêté à quel CD ? Ah, je me suis arrêté devant le boss de fin, hein, donc je sais quand même de quoi je vais parler. Non, mais c'est pas ça, parce que le boss de fin, on pourra en reparler. Hein. Ben, on n'en reparlera peut-être pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas spoiler. Mais donc, le système de combat, c'est vous choisissez votre attaque, et après, il y a deux petits carrés qui se mettent à tourner sur l'écran, et en gros, à un moment, ils vont se synchroniser, et quand vous appuyez sur le bouton correspondant, je sais plus c'est lequel, je crois c'est carré ou croix, enfin bref, votre perso va pouvoir initier un combo. Ouais. Et donc... vous allez répéter cette action plusieurs fois, et donc tant que vous... il y a une limite, mais en gros, tant que vous ratez pas, vous continuez d'attaquer, et puis quand vous atteignez, je sais pas, 10 coups, ou 3 coups, ou 4 coups, suivant le perso, suivant l'attaque, ça s'arrête. Donc déjà, c'est un truc dynamique, façon Paper Mario, ce genre de truc, donc ça, moi je suis très client. Et il y a une autre facette à prendre en compte, c'est qu'au bout d'un moment, plus votre combo est dur, plus l'ennemi il peut réagir. Et du coup, il faut appuyer sur un autre bouton. Oui, parce que t'as des fenêtres de contre-attaque. Parce que du coup, l'ennemi peut te contre-attaquer dans ta gueule si tu te plantes. Et du coup, il faut appuyer sur le bon bouton et après tu peux reprendre le combo. Donc voilà, vous pouvez, je crois que le plus gros combo disponible dans le jeu, je crois que c'est 10 coups, je sais plus, enfin un truc comme ça. Et rien que pour ça, déjà, moi je trouvais le jeu trop cool. Et puis ensuite... Et jamais, Quick Slash. Alors, Quick Slash. Oui, ça parle pendant les combats. Ça, c'est un truc qui peut... C'est un truc qui peut déranger les gens, ça parle pendant les combats. Et l'autre truc cool, mais ça c'est parce que j'étais un gamin, c'est que les persos, ils avaient le pouvoir des dragons et ils se transformaient en chevaliers dragoons. Et ils avaient des armures avec des ailes et des trucs de ouf et tout. C'était beaucoup trop bien. C'est des armures de Saint Seiya Power Rangers. C'est un mélange de plein d'affluence. C'est ça. C'est pour ça que j'ai kiffé d'ailleurs. Et le jeu est relativement long. Alors le scénar, par contre, j'en ai que de vagues souvenirs, mais sur le coup, ça reste un scénar bateau, faut être honnête. Hein. Ouais, les personnages sont bateaux, le scénar est bateau. Hein. Ça m'avait l'air d'être un scénar un peu classique, dans le sens où j'avais pas fait beaucoup de RPG, mais tu vois, même moi, je me suis dit, on dirait une histoire d'aventure, quoi. Voilà, une aventure, c'est des stéréotypes de personnages, les personnages qui sont pas véritablement. Ils sont pas véritablement d'histoire, ils sont pas très très poussés, ça reste des archétypes, quoi. C'est... Ouais, c'est ça. Et l'exploration, en fait, vous allez de lieu en lieu. Il y a une espèce de mini-carte. C'est un peu comme si on choisissait des niveaux de Super Mario, dans Super Mario Bros. 3, en fait, l'exploration. Y a... Vous allez dans le premier niveau. Après, vous pouvez revenir en arrière et tout, hein. Il y a peut-être des zones plus ouvertes, si je me souviens plus très bien. Et par contre, le seul défaut, moi, qui m'avait vraiment fait chier quand j'étais gamin, c'est quand vous avez visité une ville au premier CD. Vous visitez la ville, vous la faites et tout, et puis vous arrivez au CD3 et puis vous voulez retourner dans cette ville parce que pourquoi pas, bah le jeu il te dit ah bah il faut remettre le CD1 par contre. Et ça c'est chiant. Si vous avez Bah visité oui. un lieu qui était à un CD, si vous C'est voulez surtout que retourner dedans après, c'est incompréhensible il faut pour remettre. un jeu de cette époque-là, quoi. Ah si, moi je sais pourquoi, c'est juste une question de place sur les CD. Parce qu'en vrai, techniquement parlant, le jeu il est plutôt pas mal par contre, hein. Il est plutôt balèze. Ah Vraiment? oui, il est pas On mal va en dire que fait. les persos sont moches, mais ça c'est typique des jeux de cette époque, C'est parce que un jeu quand ils PS1. l'ont fait, c'est FF8, hein, Ouais, c'est ça. syndrome FF8, hein, faut être honnête. Par contre, en termes de décor, je suis d'accord. Il y a des décors Ouais, il y a des trucs qui claquent. assez bons. Et il y a des Et les cinématiques cinématiques loupées en aussi. CGI qui tabassent pas mal, hein. Là, c'est bah, du coup, là, il y avait Sony dans les négociations. Donc, Elles sont doublées. et avec des doublages, tout à Elles fait. sont doublées. Et doublées en français. Donc oui, Oui. le point de vue du collectionneur, encore une fois, le jeu, attention, évidemment, il faut acheter une version française parce qu'il est dispo dans pas mal de langues différentes et que Ouais. notre que version est en français. Et aujourd'hui, Comment bah, ça déjà notre s'appelle? Dragoon à moins de 100 balles, c'est C'est compliqué, ça. hein. Là, personnellement, quand Compliqué. je l'ai racheté parce que je veux le faire, donc je l'ai racheté il y a 3-4 ans, je crois. J'ai pris la version US en fait, parce que les La version tarifs. OS, tu l'as topé à combien? 60, Je 70? l'ai chopé à 30 balles. Très bien. Ben, c'est pas mal. Et Ouais. une autre anecdote très importante pour les gens qui joueraient à la version française et à la version PAL de manière générale, le jeu est glitché. Ouais. Il y a un combat à un moment contre un des boss. Si vous utilisez la forme de dragon pendant ce combat, à la fin du combat, vous avez un écran noir et c'est terminé. Alors, ça, c'est quand on y joue sur PS2. Oui, et pas toutes les PS2. Et pas toutes les PS2 Alors, et pas tous les pressages du disque. alors moi j'ai des échos disant que ça arrive aussi sur PS1, C'est vrai? Oh la avec vache. certaines versions du disque. Avec apparemment cette version du jeu, ça existe. Le bug existe, peut exister aussi sur PS1. À un D'accord. moment, on a mis ça aussi sur le dos de l'émulation, mais non, apparemment, ça le fait aussi sur du vrai hardware. Et des gens qui rapportent aussi ce glitch sur PS1. Bah, c'est un Ah bah. seul combat en particulier pendant lequel il faut juste ce combat-là précis, éviter d'utiliser la forme Ouais. dragon. Puis je me Mais suis il y a toujours pas mal demandé de. si ça le faisait aussi sur PS3, tu vois. Et ça, en tout cas, ça le fait jamais sur la version US. La version US, apparemment, n'a pas La ce bug. version US, ça Donc, marche. c'est Mais pas tu vois, sûr. moi je pensais vraiment que c'était sur que quand on y jouait sur PS2 et que c'était en plus un certain pressage du disque, Non, parce que le pas j'ai la vu version Patinium apparaître par ça exemple. sur un autre D'accord. Discord il y a pas longtemps, avec des gens qui jouaient sur PS1, justement, qui avaient le Ah, problème. et bah Donc, tu vois, ça par contre, je savais pas. bah non, je savais pas que ça le faisait pas sur PS1, justement. Donc, bah ouais. Et du coup, pour l'histoire, le jeu, je l'ai jamais fini parce qu'en fait, moi j'ai jamais eu de PS1 à l'époque de la PS1. Il y a un pote qui me l'a prêté. Et je sais pas pourquoi j'avais acheté des. Je sais plus pourquoi. Ah non, c'est bon, ça y est, les souvenirs se remettent. J'avais eu la PS1 et je l'avais revendue pour m'acheter une GameCube. C'est bon, je l'ai. Et du coup, en fait, bah, j'étais devant le boss de fin. Il m'avait ratatiné la gueule, j'avais rage quit le jeu. Et Bah, je l'ai heureusement que pas tu l'as fini. pas terminé alors. Je l'ai pas fini. Voilà. Parce que moi je l'ai terminé. Ce boss de fin, c'est l'un des pires que j'ai jamais vu. Bah, en fait, le truc, c'est que. Vraiment, hein, il était long. En fait, le truc, c'est que le Long. boss de fin, j'étais arrivé à sa 9e forme quand il m'a tué. Oui, long. Ouais, c'est bien ce que tu dis. Non, mais c'est l'un des boss les plus longs Je déconne. de ma vie de joueur. Hein. J'ai joué à beaucoup de RPG, beaucoup de jeux. Hein. J'ai jamais eu un boss aussi long. Oui, je déconne pas. Non, pas 9e forme, 6e forme. Mais C'est mais en un fait, il y a des. enfer, ça. Ça triche un peu. Mais j'étais au moins Oui. au 6e vrai combat, quoi, entre guillemets, ouais. Et oublie pas le thème de combat, la musique du combat. Le thème de combat, il est dégueulasse. Donc voilà, j'ai jamais fini. Mais je vais le refaire. Hein. Je vais avoir une revanche. Pas de soucis. Parce que moi, j'avais bien aimé. Ça se trouve, Bah quand moi, je le j'ai. referai, je trouverai ça nul à chier. Hein. C'est possible, Mais mais. je peux pas dire que c'est nul à chier, mais après il y a plein de trucs dans le jeu qui me dérangeaient, et puis comme tu l'as dit, son problème c'est qu'il est sorti déjà d'une FF8, l'humaine tannée. en termes de rythme, en termes de perso, en termes de plein de trucs. Alors, oui, FF8, je sais pas. C'est mon premier FF, donc je suis pas partial sur FF8. De toute façon, quoi qu'il se passe. Non, mais j'aime beaucoup FF8, non, mais en termes d'histoire, en termes de la façon de raconter l'histoire, les personnages, les musiques, il y a plein de trucs qui fait que FF8 reste quand même supérieur. Je sais pas, parce que FF8, à un moment, t'as un plot twist qui veut absolument rien dire. C'est FF8, je suis d'accord. Et même moi, quand j'avais 12 ans, j'ai dit, mais tu c'est n'importe quoi. C'est non, mais après, j'aime pas les musiques du jeu, le système de combat, je le trouve long, c'est ça, c'est long. Il y a des moments, t'as juste envie que ça finisse. Mais moi, j'aime bien le fait que ce soit actif. Bah, je sais pas si quand tu vas le refaire maintenant. Ah, je vais peut-être me faire chier. Peut-être. Tu auras cette même patience. Moi, quand je l'ai fait, je devais avoir plus de 20 ans. D'accord. Mais après, moi, je découvrais de toute façon les RPG, donc. Pardon, Belle, j'ai pas compris. Non, je disais, je suis plutôt d'accord avec moi. Moi, j'aimais bien le système de rythme à devoir appuyer. Tu sais, c'est alors, de loin, ça faisait un peu comme les. Je t'avais dit, moi, un peu comme Vacant Story, tu sais, le fait d'enchaîner les coups pour pouvoir les. Donner le plus de ouais, coups. Sauf que dans Vagrant Story, tu peux mettre du buff, des debuffs, t'as des trucs bien particuliers, t'as des rythmes. Mais 45 minutes de système de combat comme ça. Mais c'est là où je voulais rejoindre Beyond aussi, c'est que moi, j'ai découvert le jeu assez tard, parce que le jeu me plaisait pas, mais en fait, quand je l'ai lancé, j'ai trouvé ça génial, mais vraiment génial, j'ai adoré, mais j'ai pas pu poursuivre, parce que moi, je suis arrivé au glitch Beyond, et j'ai jamais vu le passer. Ah. Et j'ai pensé que c'était dû à ma PS2, moi. Et je me suis dit, faudrait que je le refasse sur PS1. Ouais, tu l'as découvert beaucoup plus tard. Ouais, moi, j'ai découvert à sa sortie, dès qu'il est sorti. Mais ce que je comprends pas, j'ai accès aux versions US. C'est que. C'est le jeu qui est comme ça, et donc je pourrais jamais passer ce passage-là. Si. Bah, si, il faut juste que tu te transcendes pas. Que tu mettes pas ta forme dragon pendant le combat de ce boss. Précisément. Oh, c'est tout ce qu'il y a à faire, hein. C'est... Non mais vraiment, et puis ça marche, c'est vraiment, c'est okay. Ça va fonctionner, tu pourras sauvegarder après. Mais du coup oui, ça m'étonne pas que les gens se le mangent, parce que ne pas mettre sa forme de dragon sur un boss, c'est le truc que tu fais pas. Hein. Non, bah, c'est le truc que tu te fais laver en long, en large et en travers, parce que le jeu est gratuit. Je peux pas le faire alors. Bah il faut pas que tu joues sur PS2. C'est un problème dû au CD de cette version. C'est pas grave, t'en fais pas, t'as Xenoblade qui arrive demain, ça va aller. Il boude, ça se voit pas là, mais il boude. Bah ouais, moi je voulais poursuivre ce jeu quand même. Un jour. Mais tu sais, au pire des cas, t'as un truc, ça s'appelle l'émulation. Bah non, mais enfin, au pire, tu fais le. Enfin, tu mets pas ta forme de dragon, et puis voilà. Hein. C'est faisable encore. Hein, merci, Moa, pour. Merci beaucoup, parce que j'avoue que moi, ça fait partie des jeux que j'ai dans ma collecte, que j'ai lancé une fois en mode ouais, il marche, merci. Et dont j'ai jamais pris le temps d'y jouer. Je pensais, tu vois, quand t'en as parlé, je pensais à des jeux comme Kudelka aussi, que j'ai jamais pris le temps de jouer. J'adore Kudelka. Il y en a plein des RPG PS1 que j'ai pas eu le temps de faire. Tu vois, que j'ai vu en stream récemment chez l'ami Red Rose, qu'il est en train de faire, c'est Grand Stream Saga. Oh, Seigneur, Seigneur, puisque je l'aime pas non plus. Mais tu vois, moi, c'est un jeu de tête quand même. Oui, mais c'est pas un très bon jeu. Oui. Vraiment, il faut y jouer. Non, mais je sais, c'est le jeu des 100 visages. Je l'ai regardé streamer l'autre après-midi, j'ai dit oh là là, quand même, ouf, ça c'est dur aujourd'hui, c'est rude. Hein. Oui, ah ouais, non, mais même à l'époque, ça. Et puis, ouais, moi, ce qui m'a toujours choqué dans le jeu, c'est qu'ils n'ont pas de visage. Ça, je trouve ça fabuleux. Le jeu du 100 visages. Mais oui, Grand Stream Saga fait partie des jeux totalement inconnus. Mais moi, il y a. Qui sont sortis, c'est ça le dingue, ils sont sortis en version PAL. Moi j'aime beaucoup les jeux PS1, même le Guillaume comme ça. Moi je trouve ça un charme fou. J'adore ça. Oui, que c'est un charme, oui. Après c'est quand tu joues, le charme il disparaît. J'aime bien, moi. Non, je trouve pas. Mais voilà, enfin ouais, moi la PS1, bah comme je dis, je l'ai. Enfin en fait j'ai très tard, mais j'ai pas tout eu. Mais par exemple, un jeu comme Chrono Cross, tu vois, c'est un jeu, j'ai envie de le faire, je l'ai, j'ai pas eu le temps. Vagrant Story, vous en parliez, je l'ai pas fait. Même les classiques, moi je les ai pas fait, donc c'est dire. Enfin. Après, ouais, Chrono Cross, il est jamais sorti chez nous, donc ça, j'ai une excuse quand même pour pas l'avoir fait. Chrono Cross, tu vois, c'est pas... le système de combat est très particulier, mais ça reste un jeu assez exceptionnel. Ok. Bon, bah, d'ici là, on aura l'occasion de se revoir et de revenir parler de notre chose, de notre sujet, je ne sais pas encore quoi. Oui, on a plein de sujets sur le feu, là. Voilà. Ah oui, là, on a pas mal de sujets, ouais, effectivement. Et on en a même un autre qui s'est rajouté juste avant l'émission, mais chut, il faut qu'on en parle. It's a secret to everybody. Enfin, non, mais voilà, là, c'est du teasing, quoi. Attention. Tout everybody sauf moi et Beyond. Et une personne. Voilà. Ah bon. Et Pulpy, sur le coup, parce qu'elle est toujours là quand tu. Ah oui, oui, effectivement, ouais, Pulpy, elle était là, je confirme. Et donc, sur le coup, on va le faire bah, comme d'habitude. Remercier aux personnes qui étaient présentes ce soir dans le chat. Merci à vous. Pour parler avec nous, discuter de ça. Faire un petit coucou à tous les gens qui vont nous écouter, nous regarder, faire regarder, pas trop nous écouter sur tous les autres supports, à gauche et à droite. Abonnement, pouce bleu, cloche, référencement, tout ça. Les messages sous la vidéo qu'on va lire. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me hâter sur Twitter parce que j'ai parlé mal de Symphony of the Night. Hein. Merci bien, Fredo, c'est gentil, ça fait plaisir. Et sur le coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un truc comment en 2020 ? On fait un raid chez Mister MV pour lui demander de venir participer au pote. Non, il est pas non, merci, non, c'est dommage. Non, merci, monsieur. Non, par contre, voilà. Merci de, encore une fois à mon équipe. Non, mais pourquoi Beyond, tu crois qu'MV il va le voir et tu crois qu'il va venir ? Écoutez, faisons du bruit, on est combien ? Bon, allez. Donc. Donc, sur le coup, voilà, merci à tout le monde d'avoir partagé ces moments de nostalgie. Je rappelle que, voilà, on sera toujours là pour parler de l'ancien temps et de comment c'était avant. Mais on est en 2020. Et aussi que c'était pas forcément mieux avant, voilà. On est en 2020, on continue à avancer. Et n'oubliez pas, demain soir, on se retrouve sur la chaîne Twitch Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Putain, sans déconner, c'est un truc d'ouf. Vraiment, hein. je vais y aller. Hein. Moi, le Méluche, j'ai envie de voir, j'ai envie de crever. Hein. Voilà, 18h demain, on se retrouve là-bas. Putain. Ça, oh la vache, hein. Mais quelle horreur. Ils viennent nous faire chier partout, quoi, putain. Je suis pas pour ou contre Mélenchon, je sais pas quoi, c'est pas, même pas le problème, c'est ils viennent nous faire chier partout, voilà. Ces mecs. Voilà, je veux dire, Twitch, c'était un peu notre truc, tu vois, il fallait pas trop venir nous faire chier. Oui, mais vous savez... Après, c'est normal, il va là où est l'audience, c'est normal. C'est exactement, normal. Ah, exactement, hein. Il va là où les jeunes, du moins pas très jeunes, y vont, parce que... Qu'est-ce qui m'emmerde, c'est que là, il y a des gamins qui... Enfin, bref, bon, bref, c'est pas le sujet, débat. Mais moi, j'y serai quand même pour crever un coup. On vous souhaite la bonne nuit. Bonne soirée et bonne soirée à tous. Bonne nuit, les gens, des bisous. Des zoubis. Et manger du McDo, c'est bon.